à son caractère. Une initiative de l'APACW. La première. Il est 16h. Votre journal, Pierre-Yves Meugens, bonjour. Bonjour à tous. Le budget fédéral, les consultations se poursuivent. Le CDNV campe sur ses positions. Aucune réunion plénière n'est programmée. Le Premier ministre Charles Michel consulte. La matinée a été consacrée à des réunions bilatérales, partie par partie. Travail intense, dit-on, pour rapprocher les points de vue. Avec un CDNV qui maintient sa demande sur une taxe sur les plus-values, tandis que l'OpenVLD vient, lui, avec une nouvelle idée. L'idée de stimuler l'épargne des Belges en proposant des avantages fiscaux à ceux qui investiraient dans l'économie réelle, les entreprises, les starters ou les PME. Côté agenda, on a appris que le Premier ministre Charles Michel viendra demain après-midi à la Chambre pour y répondre à des questions et des interpellations et que les commissions parlementaires prévues vendredi avaient été annulées, histoire de libérer l'agenda en cas d'accord et de déclaration que le gouvernement viendrait finalement faire au Parlement. Les discussions sont difficiles chez ING, où la première phase de la procédure Renault a commencé. La banque a annoncé, je vous rappelle, son intention de se séparer de 3157 employés. Et les premières réunions ne se passent pas très bien. Les syndicats ont déposé aujourd'hui un préavis de grève pour une durée indéterminée. Un préavis à titre préventif pour couvrir d'éventuelles actions à venir. Selon les syndicats, des actions pourraient démarrer plus ou moins rapidement. Philippe Samec est secrétaire national de la CNE pour le secteur finance. Ce qui coince, c'est la manière dont communique la direction. Parce que les deux premières journées consacrées par le conseil d'entreprise au plan de restructuration, donc la procédure d'information Renault, n'a pas été utilisée de façon correcte par la direction. Donc ils nous ont fait des informations qu'on peut faire dans un salon commercial, mais qui n'intéressent pas les travailleurs. Donc on a eu des déclarations disant « nous restons la meilleure banque, nous suivons la culture d'évolution des clients ». Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est au niveau social, ce qu'ils vont faire avec les gens qui vont partir et aussi avec les gens qui vont rester. Est-ce que vous comptez mener des actions prochainement ? Quand le préavis aura expiré, s'il n'y a pas eu de consultation entre-temps et si la direction persiste dans la manière de gérer les conseils d'entreprise, oui, il y aura des actions. Nous commencerons sûrement de façon graduée par des actions plus symboliques et ça pourrait évidemment aller jusque la grève. Philippe Samec, secrétaire national CNE, interrogé par Miguel Allo. Les ex-avocats de Salah Abdeslam mettent en cause sa surveillance vidéo 24 heures sur 24. Sven Marie et Franck Berton, son ancien avocat français, tous les deux, ils ont jeté l'éponge, ils n'assurent plus sa défense. Ils estiment qu'ils ne peuvent le défendre s'il se tait. Franck Berton et Sven Marie estiment que la vidéosurveillance continue est la principale cause de son mutisme et qu'elle est avant tout politique. Selon Franck Berton, son client avait des choses à dire et il allait les dire bientôt. Voilà qui choque du côté des familles des victimes des attentats. Elle dénonce une manipulation qui consiste à essayer de présenter Salah Abdeslam comme une victime, de déplacer la réalité du débat judiciaire. En Israël, on célèbre la fête de Yom Kippour aujourd'hui. Les forces de sécurité ont été renforcées. Mais dans le monde musulman, c'est aussi un jour de fête pour les chiites, l'Ashura. Un jour dangereux aussi, vu les tensions qui règnent entre les deux branches de l'islam, les chiites et les sunnites. Trois attentats se sont produits contre des mosquées chiites en Afghanistan. Françoise Walmack. Oui, l'organisation terroriste État islamique vient de revendiquer l'un des deux attentats commis hier à Kaboul. Un attentat qui a coûté la vie à 17 personnes et fait 28 blessés. Un combattant a d'abord mitrailler les pèlerins à l'arme automatique avant de déclencher sa veste bourrée d'explosifs. Mais Daesh ne fait pas mention d'un autre attentat commis simultanément dans une autre mosquée chiite de la capitale afghane. Enfin, un troisième attentat a été commis aujourd'hui dans une mosquée du nord du pays. Il y a 14 morts. La communauté chiite afghane est sous le choc et en deuil. Elle accuse les autorités de ne pas la protéger. Les chiites afghans appartiennent à l'ethnie Hazara, une minorité méprisée, déjà persécutée dans le passé par les talibans et Al-Qaïda. Françoise Volmac. Un mot des mondiaux de cyclisme au Qatar et la victoire de Tony Martin dans le contre-la-montre. L'Allemand remporte son quatrième titre mondial contre le chrono. Il rejoint Fabian Cancellara au nombre de titres mondiaux. Martin a repoussé le champion du monde sortant, Vasil Kiryenka. L'Espagnol Jonathan Castrobiero complète le podium à plus d'une minute. Deux Belges étaient au départ, Victor Kampenaerts et Yves Lampaert. Cette très belle performance de Lampaert qui s'est classé 7e. Voilà pour l'essentiel de l'actu. Belle fin de journée. Toute l'info est sur rtbf.be. Ah, belle fin de journée avec Walid et tous ses compagnons. Effectivement, mes petits compagnons de route qui vous accompagnent jusqu'à 17h30. Comme tous les jours, nous sommes presque sérieux sur la première. On vous retrouve Pierre-Yves Meugens tout à l'heure à 16h30 pour la suite de l'info. Vous avez entendu parler de Monde Positif ? Ce n'est pas un mouvement citoyen, mais une initiative citoyenne de Troc.com à l'occasion de la semaine de la seconde main. Mondepositif.be. Walid, sur la première, c'est presque sérieux. Quel est le conseil de Jérôme Collin pour visionner les débats concernant le budget fédéral ? On écoute. Vous savez que j'ai un truc pour vous, si vous voulez. C'est quoi ? Ben, si vous voulez, vous pouvez voir les débats actuels. Vous ne savez pas que vous pouvez les voir en direct. Si, si, comme ils s'apprennent à nous sonomiser, je pense que tout est en direct sur YouPorn. Oui, c'est vrai, je rêvais d'être Wonder Woman. Quoi ? Ah ouais, vous l'êtes devenue. C'est pas pire que Charles Michel qui voulait être Ponche dans Chips, alors que Edgar serait plutôt le Chips dans le Ponche. Bonjour. Vous allez bien ? Très très bien, merci. Sûr ? Il a un chien, mais dont je soupçonne que ce soit une chienne, en vérité. C'est pas vrai. Allez, ça, c'est vraiment le scoop du jour. Non, c'est pas le scoop, mais vous savez que Milou, c'était la première fiancée d'Hergé. C'était son nom. Qui était la fille d'un collaborateur de Horta, le grand architecte. Oui. On a eu chaud. Les ministres ont décidé d'appliquer la bonne vieille maxime selon laquelle ça ne sert à rien de s'engueuler avec le CDNV. Il vaut bien mieux attendre qu'il change d'avis. C'est d'ailleurs pour ça que la bouteille de vin est devenue le moyen de corruption le plus courant en Chine. Écoutons à ce propos l'expert en pot de vin, Gérard Depardieu. Il y a des gens qui nous ont donné des bouteilles, ça. Et on refuse. C'est cadeau. Non, moi j'ai pas refusé, j'ai pris. Mais j'ai pas mis. Et si on livrait 8000 calculatrices aux 16 rue de la Loi, qu'est-ce que ça donnerait ? Eh bien la réponse tout de suite. Allô ? Oui, bonjour. Bonjour. Je vous appelle pour la livraison. Livraison de ? Ben, on m'a demandé de livrer 8000 calculatrices chez vous. J'ai 12 palettes. Et c'est combien de palettes vous dites ? 12. 12 palettes. 12 palettes de calculatrices, ouais. 8000 calculatrices, ça me paraît quand même beaucoup pour un gouvernement. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Surtout 8000 calculatrices. Alors qu'une suffit. Ouais, de toute façon, ils savent déjà pas calculer en plus. Mais en japonais, Tintin s'appelle Tantan parce que Tintin, Tintin, ça veut dire zizi en japonais. Ah, je savais pas du tout. C'est faux. C'est vrai ou faux ? Eh bien, c'est vrai. C'est d'ailleurs pour ça aussi qu'il faut jamais dire chin chin quand on va au Japon, quand on trinque, parce que ça, on entend aussi zizi. Ah, c'est donc, pas vrai. Voilà. Ah, bah, voilà. C'est vraiment au Japon, c'est tantan. C'est tantan, oui. Ouais. Attention. Vous savez ce que ça veut dire tantan au Maroc ? Non. Ça veut dire zizi ? La première. 16h-17h30. Ne prenez pas la grosse tête. Restez presque sérieux. Avec Walid. Ravi de vous retrouver sur la première, toute l'actualité, et je peux vous dire que la presse est chargée ce matin par exemple. Hein, il y avait un article intitulé « Exclusif, Stéphane Pauwels et Bouwer ». Le chapeau commençait par « Exclusif ». L'animateur a été aperçu chargeant un camion poubelle. On a donc officiellement la preuve en exclusivité aujourd'hui que certains journaux vont jusqu'à faire les poubelles pour trouver des papiers. C'est plutôt pas mal. Je me suis dit, il est un peu dans son élément. Hein. Tiens, faire un tri sélectif dans l'actualité pour en recycler une partie en blague, c'est leur boulot au quotidien. Voici vos petits agents de cervelle propreté. Ils sont avec vous aujourd'hui. Et commençons par celui qui a parfois un compostement à risque. Oui, du coup, on a dû demander une décharge, rien que pour lui. C'est Pierre Charette. Ah, bonjour. Je sais pas si c'était moi ou Corentin Candy. Oui, mais ça marche pour les deux, fille. Lui, les ordures à la maison, il les descend. Et au boulot, il les défend, c'est grand incendie. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Les puissants, les méchants, les crétins, en abrégé les PMC, elle les met tous dans le même sac. C'est Cynthia Isarelli, bonjour. Ouais, moi je fais pas de tri. Tiens, son leitmotiv à lui, c'est qu'à chaque jour suffit sa benne. C'est Vincent Flibustier, bonjour. Coucou. C'est vous bien. Qui avez livré le camion entier, le calculatrice. Oui. Je sais que c'est vous. Eh ben c'est moi, effectivement. Tiens, on n'est pas prêt de recevoir son avis de déchet. C'est l'inusable Raoul Reyer, s'il est avec nous, bonjour. Donc vous voulez, si j'ai bien compris, quoi, parce que je deviens un peu plus vieux, je ne suis pas encore un déchet. Mais non, pas avis de déchet, bien sûr. Inépuisable et inusable, Raoul Reyer. Et puis elle, au pluriel, s'occupe des emballages avec un seul objectif, zéro déchet. Ajar Boulèche à la préparation et Roxane Brunet à la réalisation. Merci à vous d'être donc comme nos chroniqueurs du jour presque sérieux. Vous l'avez compris une fois de plus en ce mercredi. L'actualité, ce sont eux qui la font et c'est avec vous que nous en rions sur la première. Bienvenue. C'est presque sérieux. Sur la première. Il sera presque sérieux aujourd'hui avec nous, Kianko Jandi, pour nous présenter son spectacle Pulsion qu'il jouera le 15 novembre prochain à 20h au Centre Culturel Duc à Bruxelles. On vous donnera l'occasion de le découvrir dans un instant. Et l'actualité est également chargée avec la crise ounette gouvernementale. Ce sera vu par Cynthia Isarelli. On fera un petit clash sympathique avec l'invité. Ça me fait déjà peur avec Corentin Candy. Et puis, une ambition intime. C'est la nouvelle émission de Karine Le Marchand. On vous en parlait il y a déjà quelques semaines. semaine avec sortie de Nicolas Sarkozy, eh bien Pierre Charette nous en parlera et vous en parlera. Du qui a dit et des cadeaux également au programme. Qui aurait pu dire dans la presse du jour, enfin, il sert à quelque chose. À votre avis, les propositions par SMS au 6031, 75 centimes le message, nom, prénom et adresse, vous envoyez simplement ce petit code CPS au 6031, donc avec vos coordonnées complètes, et vous repartirez avec Bruxelles Art Nouveau par Cécile Dubois aux éditions Racine, et on rajoutera à cela deux entrées à l'exposition 21 rue La Boétie, à voir jusqu'au 29 janvier au musée de la Beauvrie à Liège. Des exemplaires d'ailleurs à gagner sur la page Facebook de ce Bruxelles Art Nouveau, si vous aimez l'art, si vous aimez tout ce qui est nouveau, et surtout si vous aimez Bruxelles. Donc c'est un condensé de tout. Rendez-vous donc sur la page Facebook de C'est Presque Sérieux. Et puis, il y aura pas mal de choses dans cette émission, des surprises. Bref, soyez les bienvenus et accueillons. Oui, dites-moi. Bref, pas mal. Vous l'avez placé. Ah bref, bien. Ah oui, d'accord. Par rapport à l'invité, oui, Kian Kondji. Raoul est au taquet. Ah oui. Non, mais comme ça, vous voyez que j'écoute. Vous au moins. Tiens, la une du jour, c'est parti. Bref. C'est la une. Info en chanson aujourd'hui, deux extraits musicaux et deux actualités. C'est parti, écoutons. Ah ouais, un incontournable de la musique électronique. Des pionniers diront certains, je dirais même plus les meilleurs. Telex, Moscow Disco et Catherine Lara, la meilleure, n'ayons pas peur des mots. Pionnière avec du violon. Du violon, effectivement. Espionne. Ah ouais. Alors, est-ce que vous avez... Je pense que je sais, mais alors, est-ce que je fais traîner? Oh, ben non, dites si vous savez. C'est la défense, les services secrets belges qui ont carte blanche pour l'espionnage. Et effectivement, Sinia Ezarali, les espions belges pourront utiliser de nouvelles méthodes à l'étranger. Les espions de l'armée ne peuvent actuellement pas faire grand-chose en dehors de la Belgique. Mais en gros, tu es espion, mais rien qu'en Belgique. Dès que tu sors, tu n'es plus espion. C'est le seul pays façon, au monde, je crois, que ça se passe. Deux. Oui. Et donc, le SGRS ne peut ainsi pas examiner, par exemple, le GSM d'un terroriste que des militaires auraient trouvé alors qu'ils étaient en mission à l'étranger. Cela va désormais changer, d'où une liste de nouvelles compétences. La Sûreté de l'État a introduit, donc via le ministre de la Justice, Kungens, et de la Défense, Van de Putte, une liste très variées de changements qui doivent permettre donc de moderniser leur fonctionnement. Déjà moderniser. Imaginez les espions qui se modernisent chez nous. Ils vont abandonner le fax. Ouais, ouais, non, le téléphone, tu sais, ils cherchent toujours. Tu sais, vous vous souvenez les espions quand ils attendaient le coup de fil dans la cabine téléphonique? Là, comme ils, cherchent la cabine téléphonique. Ça, c'est énorme. Il y en a une devant la RTBF, je crois. Et donc, c'est peut-être un point de ralliement. Et donc voilà, donc, on nous annonce dans la presse aujourd'hui que le SGRS pourrait être considéré comme l'équivalent du MI6 britannique, avec un peu moins de budget quand même, hein, et moins de missions. Ils ont encore une Renault 4. Allez, arrêtez. Voilà, on embrasse tous les espions qui nous écoutent. Ah, ils nous écoutent forcément. Forcément. Ils sont obligés au cas où on parle du gouvernement. Bah, bien sûr, on les embrasse. Bon, deuxième extrait, deuxième info que nous recherchons à travers ce morceau, Telex. Moscow Disco. Alors, à votre avis, Vladimir Poutine. On n'est pas très loin. Interdit de visite par François Hollande. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, Corentin Candé. Non. Donc, ça a à voir avec Moscou. Ça a à voir avec Moscou. Pas avec la disco. Pas avec la disco, mais avec Moscou. Et c'est un lien avec l'espionnage aussi. Mm-hmm. Alors, est-ce que vous avez lu une info qui reprend Moscou et espion? Je pense qu'ici, il n'y a que Walid qui pourrait souffrir. Non, Vincent Flibussy aussi. Ah oui, c'est vrai. Oui, Vincent Flibussy. Alzheimer. Non. Je ne sais pas. Parkinson. J'aime bien parce que dès que Vincent Flibussy... Ça me fait plaisir parce que les premières choses auxquelles Vincent Flibussy pense, c'est les maladies. C'est Alzheimer. Je ne sais pas, mais c'est parce qu'on est hypochondriaque tous les deux. Oui, je me dis un truc comme ça. Non. C'est une question d'identité et de faux nom. Une catégorie de citoyens qui va être espionné. Non. Alors, on n'est pas très... On est dans l'espionnage. On est la surveillance. Moscou. Les médias. Espionnage. Pas les médias, non. Ça concerne Wikileaks? Non, pas Wikileaks. Alors, je vais vous donner un gadget. Smartphone, Apple Watch. Oui, alors Apple Watch, est-ce que vous avez eu une info? Elle est dans mon tiroir, comme la vôtre, Walid. Ils ne peuvent pas porter d'Apple Watch pour ne pas être surveillés, les espions russes. Non, pas les espions russes. Tous les russes. Non. Les diplomates. Mais quel diplomate et quel pays? Diplomate russe partout dans le monde. Non, pas russe. En Grande-Bretagne. Ah ouais. Et les ministres britanniques tenez-vous bien, ont reçu l'ordre de laisser leur montre connectée, donc la fameuse Apple Watch, au vestiaire pour cause d'éventuels actes d'espionnage de la part des hackers russes. Ah ouais, il fut un temps où les smartphones BlackBerry étaient interdits d'ailleurs de citer au sein de certains gouvernements pour cause de sécurité nationale. Et aujourd'hui, donc, ce sont ces monstres, connectés qui sont montrés du doigt, mais pas n'importe quel smartwatch, c'est celle d'Apple qui est visée directement. Ainsi, la nouvelle première ministre, Theresa May, a interdit donc à ses ministres de porter leur montre pendant le Conseil des ministres. Selon Madame May, ces produits seraient susceptibles de servir de matériel d'écoute à des hackers russes. La montre possède en effet divers capteurs qui pourraient renseigner sur les fonctions vitales de son porteur, mais aussi et surtout un micro. Et c'est ce micro qui pose problème, notamment lors des conversations téléphoniques et des réunions qu'il peut y avoir. Est-ce qu'elle va réintroduire la machine à écrire pour la prise de notes? Moi, je suis certain que je pense qu'on va revenir à des vieilles choses. Mais vous savez que la mafia sicilienne n'utilise que des petits mots au papier écrits au crayon et qui se passent de main en main. Et ça marche bien. La preuve, ils sont toujours là. Donc voilà, si vous avez des montres connectées, si vous avez des smartphones, trop de connexion tue la connexion. Voilà, on est... Il y a Big Brother qui nous surveille. Enfin, je dis, nous, on s'en fout un peu. Nous, de toute façon, on est sur écoute 24h sur 24. On n'a rien à cacher. Mais oui, bien sûr. Bon, tiens. Deux, trois trucs de voiture d'occasion. Dans la suite, on s'intéresse à l'actualité de ce mercredi 12 octobre. Dans la presse du jour, quelqu'un a dit, enfin, il sert à quelque chose. À votre avis, en tout cas, nous vous ferons des propositions, vous qui nous écoutez. Il suffit pour repartir avec Bruxelles Art Nouveau de Cécile Dubois aux éditions Racine et deux entrées à l'exposition 21 rue La Boétie du côté de la Bovrie à Liège, eh bien, de nous dire, parmi les propositions que vont vous faire nos chroniqueurs, qui aurait pu prononcer donc cette phrase. Enfin, il sert à quelque chose. Inscrivez-vous maintenant en envoyant donc ces trois lettres CPS au 6031, 75 centimes le message, nom, prénom et adresse. Dans une bonne vingtaine de minutes, nous recevrons Kian Kojandi pour Pulsion, son spectacle qui est écrit par lui-même et par Bruno Muccio. Alias Navo, bien sûr. Au Centre Culturel Duc à Bruxelles, ce sera le 15 novembre prochain. On en parle avec lui dans quelques minutes. Le temps pour nous intéresser justement à l'actualité vue et corrigée, cette fois-ci par Pierre Charette qui nous parle d'une ambition intime. La nouvelle émission de Karine Lemarchand. Peut-être, en tout cas, je trouve que le jardin, c'est poétique. C'est ce que disait Émile Louis quand il faisait ses trous. C'est presque sérieux sur la première avec Walid. Dans un monde qui change, les bons comptes font les bons couples. Et vous êtes plutôt compte perso ou compte commun? Nous, on gère tout en commun. Ouais, enfin, sauf la lessive. Hein. Compte perso, on a déjà assez de choses en commun. Ah, tu trouves? Ah, personnellement, je suis plutôt compte en commun. Ça t'arrange bien, hein? Ouais, c'est vrai. Maintenant, il y a une solution simple et flexible pour gérer votre argent à deux. Découvrez le Confort Pack. Seulement 2,60€ par mois pour 3 comptes et jusqu'à 2 titulaires. BNP Paribas Fortis, la banque d'un monde qui change. En octobre, bon repos, comblez toutes vos envies. Alors, vous êtes plutôt du style lève-tôt, grasse mat, sieste, dans un lit bien douillet, un canapé-lit ou un relax, dans des draps soyeux sous une bonne couette, le tout rangé dans un beau dressing? Profitez maintenant de 18% de remise au Bon Repos. 18% pour combler toutes vos envies et créer votre propre style. Aubonrepos.be, place de la Chapelle à Bruxelles, à deux pas du Sablon. Parking privé. Ouvert ce dimanche de 10h30 à 17h30. C'est encore moi, Hip! Rendez-vous vite dans votre hypermarché Carrefour pour découvrir des offres de génie dans tous les rayons. Profitez par exemple du cœur de cabillaud pour seulement, bam, 14€ le kilo. Et cette offre de génie que vous ne trouverez nulle part ailleurs est uniquement valable jusqu'à demain. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Bonjour monsieur. Bonjour. Je peux savoir votre nom? Eric. Ah, bon, Eric, qu'est-ce que t'en penses? Disons, deux enfants, un chien, une maison de campagne, tu cuisines en semaine et moi le week-end, et je fais le jardin, et toi tu sors les poubelles. T'es d'accord? Parce que la voiture, on l'a déjà. Parfois, ça peut aller très vite. Choisissez une Mercedes-Benz de stock sur mercedesoutlet.be et vous serez au volant en un rien de temps. Maintenant, avec 4 ans de garantie, infos et conditions chez votre concessionnaire agréé Mercedes-Benz. La première. Mobile Info. Et à 16h presque 19, au Barcel, ils ont Neymar. Nous, on a Amandine Neymar. Hein, elle va vous permettre de vous faufiler entre les fils pour arriver chez vous le plus rapidement possible. Amandine, bonjour. Bonjour Walid, alors, bonjour à tous. Que se passe-t-il sur nos routes? Dites-nous tout. Eh bien, vous ralentissez dans le chantier de Cherat sur le 40 Aix-la-Chapelle Bruxelles. 10 minutes perdues entre Barchon et Herstal en direction de Bruxelles. Une dizaine de minutes en plus également dans l'autre sens entre Herstal et Cherat vers Aix-la-Chapelle. Ça ralentit aussi sur le 20. 25 Maastricht-Liège. Quelques minutes supplémentaires entre Cheurat et Hermalsouz-Argenteau en direction de Maastricht. Coup d'œil sur le ring de Bruxelles avec les premiers ralentissements. Circulation extérieure, ajoutez 10 minutes à votre trajet entre Grimbergen et Jette vers Grand-Bigard. En circulation intérieure, vous perdez 10 minutes entre Wezembeek-Oppum et le carrefour Léonard vers Waterloo. Enfin, vous ralentissez au poste frontière sur le 17 Gand-Lille à partir d'Albeek. Comptez 25 minutes en plus en direction de la France. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jetair devient TUI. Discover your smile. Un problème sur la route? Signalez-le au call center RTBF Mobile Info via le numéro gratuit 0800 48 400. La première avec Walid, c'est presque sérieux. Spectacle et humour au programme dans un instant avec notre invité Kian Kojandi, Pulsion au Centre Culturel Duc à Bruxelles le 15 novembre prochain à 20h. On vous en parle dans un instant. Et humour également, ou presque, avec Pierre Charette qui nous parle de presque. C'est super sympa. C'est parce que j'ai toujours peur de Pierre Charette. Je me dis toujours que ça va partir en sucette. De qui n'avez-vous pas peur? Tiens, dimanche, Pierre, Karine Le Marchand, l'animatrice de L'Amour est dans le Pré en France, a inauguré donc une nouvelle émission, une ambition intime, une mission dans laquelle elle reçoit des hommes et femmes politiques pour parler donc de leur intimité. Mais oui, et cette émission a été beaucoup critiquée, Walid, et moi j'ai trouvé ça un peu sévère, évidemment. Selon moi, Karine Le Marchand a donné une véritable leçon aux meilleurs journalistes politiques actuels, Léa Salamé, Élise Lucet, Bertrand Haine, qui peuvent tous aller se rhabiller, parce que l'objectif affiché par Karine Le Marchand était clair, découvrir l'homme ou la femme derrière le politique. Alors bien sûr, on peut trouver que ça manque un peu de panache, hein, qu'il y aurait plus de suspense à découvrir l'homme ou la femme qui se cache, par exemple, derrière Amanda Lear. mais il s'est passé plein de choses dans cette émission. Par exemple, un moment, pendant l'interview du candidat Bruno Le Maire, un chat a vomi. Et là, je dis bravo à l'interactivité de l'émission qui a parfaitement su retransmettre le sentiment qu'avaient tous les téléspectateurs devant leur petit écran. Alors, autre point fort, évidemment, c'est la BO de l'émission qui nappait toutes les séquences du Daniel Potter, de James Blunt, du Sia, tout en acoustique. Et c'est vrai qu'avec la BO, ben, tout passe. Même des photos de Jean-Marie Le Pen avec son cache-œil et son caniche gris, ça passe. En fait, on peut tout poser comme question avec du James Blunt. La preuve. Non. Marine Le Pen, les yeux dans les yeux, qu'est-ce qui explique dans votre enfance que vous détestiez tant les sales bougnoules? Ah, je vois un peu d'émotion quand je vous pose cette question. Voilà. Et grâce à tout ça, eh bien, on a pris, grâce à tous ces artifices, ça ne choque pas, mais non, pas du tout. Grâce à tous ces artifices, eh bien, on a pris plein de choses, beaucoup de choses, notamment avec Bruno Le Maire, interpellé par Thierry, un ancien participant de L'Amour est dans le Pré. Monsieur Bruno Le Maire, quand il est allongé dans les dunes auprès de sa petite femme, je pense que son petit gazouillis, il doit s'élever aussi. Et puis, il n'y a pas de mal. C'est la nature. Il a raison, Thierry. Mais oui, il a raison, Thierry. Tandis que Nicolas Sarkozy, pendant ce temps-là, ben, on a constaté qu'il aime bien jouer à « Qui a le plus gros gazouillis ?» On parle des femmes ? J'ai un bilan énorme. Eh oui, il a un bilan énorme. Mais alors j'ai compris, en fait, comment Nicolas Sarkozy comptait ses conquêtes. C'est parce qu'il compte aussi toutes celles qu'il déteste, en fait. Quand on a la chance d'être président de la République, d'ancien avec les Français, on fait partie de leur histoire. Et donc ça déclenche des réactions. Et même le lien négatif, c'est un lien. Vous savez, les gens qui divorcent et qui continuent à se taper dessus ou à se détester... Ils ignorent que c'est de l'amour. Ah ouais. Voilà. Voilà, moi du coup, à ce jeu-là, je suis fou amoureux de Nicolas Sarkozy. Il provoque carrément des turgescences chez moi. C'est simple, j'ai le caleçon tout mouillé. Mais alors, si on a critiqué cette émission, c'est aussi parce qu'on a reproché à Karine Le Marchand de rendre Marine Le Pen sympathique. Et c'est vrai quand même qu'elle est sympathique. Et puis j'aime les fleurs. J'aime les voir pousser. Mais oui, voilà, elle aime les fleurs. Bon, donc sauf elle s'emmerde, elle regarde pousser les fleurs. Bon, alors sauf la rose rouge du PS, évidemment. Mais c'est pas tout. On apprend que Marine Le Pen, la combattante de l'insécurité, la chasseuse de racailles, eh bien, figurez-vous qu'elle aussi, en fait, elle fait du trafic. Je deal des boutures avec un copain qui est complètement fou. Effectivement, il faut être un peu fou pour être copain avec Marine Le Pen. Mais ce n'est pas tout. Que fait-elle avec son copain? On passe notre vie à s'envoyer des photos de nos fleurs respectives. Non. Il faut avoir un petit jardin secret comme ça. Ah ouais, bah. Ouais, voilà, ça me paraît évident. Petite fleur. Ouais. Marine Le Pen envoie des sextos de sa tocha. Son jardin secret, comme elle l'appelle. Mais ce n'est pas tout. On apprend que Marine Le Pen a eu 3 enfants en 10 mois. Bon, après, ça vient critiquer les familles nombreuses d'immigrés qui ne connaissent pas la contraception. Mais alors, comment s'est passé l'accouchement? Vous aviez qui, vos sœurs? Bien sûr. Dans la salle d'accouchement. Non. Ah bah si. Vos 2 sœurs étaient dans la salle d'accouchement? Oui, les 2, mais moi aussi, j'étais dans la leur. Hein, mais non. Bah oui. Ah, c'est beau. Ah bah oui, quand même. Bah oui, ah bah oui, quand même. C'est beau. Mais moi, j'ai une théorie. Je pense que si elles étaient là, c'était pour vérifier qu'elles n'accouchent pas d'un bébé noir ou d'un bébé arabe. Je ne sais jamais. Et puis pour finir, eh ben, on a parlé pâtisserie. Mais j'aime bien faire les fins bretons. Et j'ai fait un tout petit peu moins cuit. Et là, j'étais un peu étonné parce que moi je pensais que pour un Le Pen, la cuisson au four c'était un détail de l'histoire. Oh. Bref, après L'amour est dans le pré sur M6, c'était comme un peu le FN est en campagne. Ah oui, c'est vrai, Pierre Charette, une émission beaucoup, beaucoup critiquée sur les réseaux sociaux et Karine Le Marchand qui se défend. Voilà, c'est très léger, c'est... en fait c'est pas terrible. Je vous ai dit, est-ce que moi j'ai pas M6 donc je sais pas voir. Mais comment... vous avez de la chance. En replay oui, sur le site d'M6, c'est possible. Ouais, vous avez de la chance, vous avez de la chance. Tiens, Raoul Reyer, c'est à vous, on va s'intéresser à l'actualité que vous avez été déniché pour nous. Sur l'internet, comme on dit. Hé, hey, Raoul, ça fait du bien. Que se passe-t-il sur internet, Raoul ? Bonne nouvelle, le réacteur nucléaire de Tihange 1 s'est arrêté. Je dis une bonne nouvelle parce qu'à mon avis, il est moins nocif arrêté que quand même. Ouais. Parce qu'il y avait un petit dysfonctionnement, avec eux on peut parler d'un petit dysfonctionnement, à un des bâtiments du site. Un bâtiment a été endommagé lors de travaux de génie civil. Hein, à Tihange, quand on parle de génie, on ferme déjà les yeux en respirant vers la mer pour capter un peu d'iode. En fait, le travail consistait à couler 5 camions de béton dans une partie non nucléaire de la centrale, mais on a coulé 23 camions de béton avant d'arrêter les dégâts. Ouais. La structure du bâtiment d'à côté avait bougé. Non. Mais si, je vous jure. Donc, ça devait être allumé en novembre. Personne ne sait quand ça va se rallumer. Donc, 18 camions en trop. Et c'est une performance, a dit Damien Ernst, le professeur à l'ULG. Et moi, je dirais, j'ajouterais même que c'est plutôt une installation. On dirait qu'on a fait appel à une entreprise de Tchernobyl. Je le croirais volontiers. Si ça se met, le béton vient de là-bas. Hein. Imaginez, on, off. C'est un peu jour-nuit dans les visiteurs. Peu ça, quoi. Et il paraît, le bruit court, que le contremaître était à la sanisette pendant le coulage. ou à la buvette. C'est poétique. Ouais, voilà, ça rime aussi. Autre info, Raoul. Tout le monde a peur de se faire remplacer par un robot. Hein. C'est la nouvelle phobie mondiale. Nous aussi. Oui, mais nous, c'est déjà presque fait. Hein. On se dit, ouais, je ne voudrais quand même pas être dans une banque ou ceci ou cela. Eh bien, il y a un métier surprenant qui vient de se faire robotiser. Lequel? Vous avez une idée? Non. Personne n'a une idée? Non, mais c'est un truc salace. Corps sexuel, ouais, des voitures ou de la viande? Ouais. Ben non, pas du tout. Alors c'est quoi? Les cordonniers. Pizzaiolo. De la nourriture. Non, en plus. Pizzaiolo. Oui, parce que c'est une start-up américaine, Zoom Pizza, qui a créé un atelier où il ne reste plus que 2-3 humains et une série de machines qui peuvent produire 288 pizzas à l'heure. Ah oui? Oui, et il paraît que le robot étale beaucoup mieux la sauce tomate sur la pâte. C'est incroyable. Mais est-ce qu'il chante en napolitain? Est-ce qu'il fait voler la pizza? Ça, je ne sais pas. Il n'y a pas ça, vidéo, ça ne marche pas. Je vais me renseigner. S'il n'y a pas ça, ça ne marche pas. Me disait que quand je serais remplacé par un robot, je pourrais toujours devenir pizzaiolo. C'est raté. Mais bon, reste avec nous, hein, on va s'intéresser. Je peux rester quand même. L'actualité dans un instant avec cette phrase qui a été prononcée dans l'actu de ce 12 octobre. Qui aurait pu dire enfin, il sert à quelque chose. Vous vous inscrivez pour repartir avec Bruxelles Art Nouveau par Cécile Dubois aux éditions Racine et deux entrées à l'exposition 21 rue La Boétie du côté de la Beauvry. À Liège, CPS, au 6031 75 centimes de le message avec vos coordonnées complètes, je le disais. Et dans la suite, on s'intéresse également à Pulsion, le premier spectacle de Kian Kojandi qui sera avec nous et qui sera joué d'ailleurs le 15 novembre prochain au Centre culturel Duc à Bruxelles. On vous en parle dans quelques minutes sur la première. Restez presque sérieux. Venez vivre la magie du feu et de la lumière au domaine provincial de Chevetogne lors de la Nuit du Feu des Abonnés. 5 feux d'artifice, des spectacles et des ambiances féeriques. Venez en prendre plein les yeux le samedi 15 octobre dès 19h. Attention, accès réservé aux abonnés du domaine. Info, domaine-de-chevetogne.be. Avec Stuve et votre journal 7 dimanche. Cuisine Xina. Qu'est-ce qu'écoute un conseiller Xina? Le bruit des feuilles qui tombent? Non, il vous écoute parler de votre rêve et de votre budget. Cet automne, Ixina vous propose des cuisines 5 étoiles et leur promo 5 étoiles. Ne les manquez pas. Conditions sur Ixina.be, c'est bien pensé. Vous vous souvenez, la première fois que vous avez pris seul l'autoroute, roulant à la limite des 70 à l'heure coincé entre deux énormes camions. Coincé sur la route et dans la tête sans oser entreprendre cette manœuvre délicate qu'on appelle dépassement. Les ongles enfoncés dans le volant, le dos en sueur plaqué contre le faux cuir de la voiture de maman. C'est alors que vous avez pris une profonde respiration. Passez la troisième, appuyez sur l'accélérateur et changez de fil. La route s'est littéralement ouverte et votre compteur a atteint le cap de la délivrance. 120 km/h. Vous avez dépassé les camions en les ignorant, sans même les entendre car votre moteur en sur-régime gueule les plus forts. Pleine d'assurance, vous avez ouvert la vitre, posé le coude sur le rebord. Le vent de la liberté, les émanations de diesel vous ont fouetté le visage. Qui exprimait ce bonheur que donne le sentiment d'indépendance? C'est depuis ce moment que vous n'avez plus ressenti ça, hein? Ce bonheur de prendre votre destin en main. Alors, vous devriez investir chez Bing. Parce que chez Bing, c'est vous qui décidez seul de ce que vous faites de votre argent. Bing, parce que c'est votre argent. Une concession automobile qui offre 3 ans de garantie et lave gratuitement votre voiture? Non, vous ne rêvez pas. Chez Land Rover Drogon Boss, à l'achat d'une Land Rover de stock, vous recevez 3 ans de garantie, plus 3 ans de garouage gratuit. Découvrez notre vaste assortiment de modèles en stock chez Land Rover Drogon Boss. Offre valable également chez Land Rover Brussels à Zaventem et Waterloo. La première présente, l'orchestre à la portée des enfants. Rendez-vous avec les jeunesses musicales et l'orchestre philharmonique royal de Liège, dirigé par Julien Masmondé. Une relecture de Merlin l'Enchanteur par Bernard Cogneau. Merlin, les Chevaliers, la fée Viviane, le roi Arthur, à la salle philharmonique de Liège le 14 octobre et au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles le 15 octobre. Venez nombreux. La première. 16h30. Votre journal, Pierre-Yves Meugens, bonjour. Bonjour, Charles Michel devrait finalement s'exprimer demain devant les députés à la Chambre sur l'impasse budgétaire du gouvernement fédéral. Les discussions ont repris entre partenaires de la majorité, toujours en bilatéral, c'est-à-dire des entretiens entre le Premier ministre et d'autres vice-premiers, mais individuellement, pas de séance plénière prévue pour l'instant au Lambermont. Le Front commun syndical dépose un préavis de grève chez ING. Les syndicats estiment que la direction engage très mal la procédure Renault. Il y a eu 2 jours complets de conseils d'entreprise et peu d'informations circulent. Et quand il y en a, elles sont confuses, voire contradictoires selon les syndicats. Assez choqués aussi qu'on leur vante les mérites de l'ING du futur à coup de PowerPoint. La seule chose qui se confirme, c'est le nombre important d'emplois perdus à terme 3158. En tennis, Kirsten Flipkens s'est qualifiée pour le deuxième tour du tournoi de Linz en Autriche. L'anversoise a battu Mandy Minella 6-4 0-0 à l'abandon. Et puis à Shanghai, la nouvelle désillusion de Rafael Nadal. L'Espagnol est sorti dès son entrée en lice au deuxième tour, battu par le Serbe Victor Troïki. C'est pas mal ça, c'est bien. Retour de l'information, merci Pierre-Yves, tout à l'heure à 17h avec Diane Burgel-Vernet. C'est presque sérieux sur la première, 16h-17h30 avec Walid. Dans un instant, on s'intéressera aux pulsions de Kian Kojandi qui vient nous présenter son spectacle qui sera joué le 15 novembre prochain au Centre culturel Ducla à Bruxelles. Le temps pour nous bien nous intéresser à l'actualité du jour avec le qui a dit, l'équipe qui bien concentrée, Corentin Candy, Cindy Ezarali, Pierre Charette, Vincent Flibusier, Raoul Reyers et Auguste qui nous vient de Gerpine. Bonjour Auguste. Bonjour. Vous allez bien Auguste? Bonjour Auguste. Ça va? Alors on ça vient va. De me dire que vous avez fini une tarte. Oui. Et vous ne nous avez même pas gardé un petit morceau. Ah, ça, faut venir ici. Hein. Ah, c'est une tarte à quoi? Une tarte aux pommes. Ah, c'est au poil, ça. Des pommes de mon verger. Hein, ah, parce que j'ai été les cueillir et puis maintenant j'ai fait une tarte. Ah, ça, c'est avec bien. Avec un peu ça. De cannelle. Un peu. Ah, c'est parfait alors. Encore meilleur. Auguste, on va vous offrir Bruxelles Art Nouveau par Cécile Dubois, édition Racine, et 2 entrées à l'exposition 21 rue La Boétie du côté de La Bovrie, le musée à Liège. Seule condition à remplir pour vous, tenter de découvrir qui aurait pu prononcer cette phrase dans l'actu du jour. Des propositions vous sont faites, voici la phrase du jour. Qui aurait pu dire, enfin, il sert à quelque chose? Pour Auguste, Raoul Reyers, vous nous proposez? Eh bien, écoutez, c'est le barman du Parlement qui se plaignait souvent que Peter de Crème restait plutôt à son comptoir qu'aux séances. Mmh. Et donc, maintenant qu'il est parti à la fois aux États-Unis et puis au Japon, il est un peu soulagé. Le barman du Parlement, Vincent Flibustier, enfin, il sert à quelque chose. Bien, c'est évidemment le meilleur caricaturiste de Belgique et dessinateur de presse, Frédéric Dubus, évidemment, à propos de Peter de Crème. Fred Dubus pour Vincent Flibustier. Cindy Ezarali. Eh bien non, Flibustier est un imposteur car il s'agit de Pierre Kroll. Pierre Kroll. En parlant toujours de Peter de Crème. Mm-hmm. On va demander à Corentin Candy, qui aurait pu dire « Enfin, il sert à quelque chose ». Eh bien non, évidemment non. Ce genre de phrase, ça ne peut évidemment venir que de sa femme ou de sa belle-mère. Mais je pencherai quand même pour sa femme. Sa courteté de sa femme. La ouais. femme de qui? La femme de De Crème. La femme de De Crème. Ouais. Ah oui, donc ça tourne vraiment autour de De Crème. C'est quand même Monsieur De Crème. La femme de Monsieur De Crème. Et enfin, Pierre Charette, qui aurait pu dire enfin, il sert à quelque chose. Il s'agit d'un SMS de François Hollande, exhibé par Valérie Trierweiler, qui parlait de Peter de Crème. SMS de François Hollande, qui parlait de Peter de Crème. Ce qui est certain, Auguste, c'est qu'il y a Peter de Crème dans la réponse. Oui. Donc c'est de lui dont il s'agit. Maintenant, Vous ratissez loin, vous donnez des hypothèses et des hypothèses et des hypothèses. Là, alors, résultat, moi, j'ai lu. Ah. Voilà. Alors. Vous savez où j'ai lu. Alors, c'est qui? Dans le soir. Ah, c'est dans le soir, déjà, c'est une bonne chose. Alors, je sais que c'est Kroll qui a fait le dessin. C'est Kroll qui a fait le dessin et c'est Kroll qui l'a dit, effectivement. Bonne réponse pour Auguste, bien joué. Le secrétaire d'État au commerce extérieur était attendu aujourd'hui à Tokyo pour remplacer le ministre des Affaires étrangères retenu à Bruxelles par la crise budgétaire. Et puis ce feuilleton belgo-belge de la visite d'État au pays du soleil levant devrait donc prendre fin aujourd'hui après-midi. Et au départ, donc, le ministre des Affaires étrangères aurait dû prendre l'avion gouvernemental, mais il était retenu à Bruxelles et il a été remplacé par Peter de Crème, qui était censé à la base être là. Résultat des courses, Pierre Kroll a fait un dessin et il signait par cette phrase cinglante « Enfin, de Crème sert à quelque chose ». Résultat des courses pour vous, Auguste, c'est gagné. On vous envoie du côté de Gerpin et bien à Bruxelles Art Nouveau par Cécile Dubois aux éditions Racine et deux entrées à l'exposition 21 rue La Boétie du côté de la Beauverie à Liège. Restez fidèles, restez presque sérieux et surtout bonne dégustation, votre petite tarte aux pommes. Merci. Alors, si vous passez, je vais vous offrir un morceau. Hein. Ah ben, Gerpin, il y aura une seule voiture. Bruxelles, Gerpin, ça fait loin, mais pourquoi pas. Allez, Walid. Mais pourquoi pas, pourquoi pas. Tous en voiture. Allez, on vous embrasse, Auguste, et restez-nous fidèles, car tout de suite, on s'intéresse à l'actualité de notre invité presque sérieux. Il est là, fait entrer Kian Kojandi. Bravo. Kian Kojandi, installez-vous. Comment ça va? Bien. Vous allez bien? Faites comme à la maison. Soyez le bienvenu. Merci. Alors, tout le monde dit du bien de vous et vous sentez la bonne humeur, la joie de vivre, la simplicité et l'amour du rire. Bah merci. Voilà, je vous en prie. Alors, vous êtes humoriste, acteur, scénariste, réalisateur et puis... Pourquoi vous avez sur scène fait entrer l'accusé? Parce qu'on sait que vous êtes louche. Parce que moi, je vous ai vu vous asseoir dans le couloir par terre. Ouais. Quand vous jouez le type tellement cool que vous n'avez pas besoin de chaise. Il y a un truc en vous. Il y a un mec qui m'a baisé les pieds juste avant. C'est étrange quand même. On peut en parler, tout ce truc-là. Parce que vraiment, il est venu. Votre prénom, c'est Corentin. Corentin. J'étais tranquillement assis parce que je ne voulais pas déranger les gens, dire je ne vais pas demander une chaise et tout. Ouais. Je m'assieds et le mec, il me fait. Je peux t'embrasser les fleurs. Il m'a embrassé mes chaussures. J'ai pas demandé, j'ai trop peur. C'est vrai qu'il l'a fait, naturellement. Voilà, alors Kian, ça nous fait vraiment très plaisir de vous avoir. Alors, Kian Kojandi, c'est... Kojandi, pardon. C'est ça. Exactement. C'est la bonne prononciation. J'ai dragué cette fille. Bref, j'ai grandi dans les années 90. Bref, j'ai fait un repas de famille. Bref, j'ai pris le métro. Bref, j'ai envoyé un texto. Mais Kian Kojandi, c'est aujourd'hui ceci, Pulsion, le spectacle qui sera joué le 15 novembre à 20h au Centre Culturel Duc La Bruxelles. Tu verras, il y a des gens, quand ils te racontent une anecdote et que quelqu'un a crié pendant l'anecdote, eh ben ils vont l'imiter, mais en chuchotant. On était la soirée avec Pierrick tranquille. D'un coup, le voisin débarque, complètement dingue. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je vais appeler les flics. Oui. Quoi? Et c'est une tradition dans cette émission, mon cher Kian, on va vous offrir une minute, avec un petit plus pour vous. Une minute pour nous donner envie d'aller vous applaudir, donc le 15 novembre à 20h au Centre Culturel Duc à Bruxelles, avec une épreuve avec une figure de style. Une minute et la musique va changer au fur et à mesure. D'accord. À vous de mettre la pulsion, l'impulsion que vous souhaitez, l'émotion que vous voulez, pour nous donner envie de venir vous applaudir bien le 15 novembre à 20h au Centre Culturel Duc à Bruxelles pour vous applaudir autour de ce spectacle. Pulsion, attention, c'est parti. Je dois m'inspirer de la musique. Ouais. Vous savez, quand j'ai quitté Reims et que je suis venu à Paris, j'ai joué devant des salles, il n'y avait pas beaucoup de monde. Et grâce à ma série, il y a des gens qui viennent et ça me touche tous les jours. C'est un spectacle, c'est pour ça que j'ai défendu. J'ai voulu faire quelque chose qui soit plus proche de moi, encore plus précis, l'intimité profonde, les pulsions. Et je peux dire que ça déconne plutôt bien. Tous les soirs à l'Européen à Paris, c'est de la déconnade, on s'amuse bien. Il y a des blagues en dessous de la ceinture, il y a des blagues un peu plus spirituelles. Des fois, il y a la petite larme à l'œil, mais va dire, on passe des bons moments. C'est plutôt sympa. Pulsion avec Kian Kojandi. Elle est chouette celle-là. Là, je suis en train de danser, mais vous le voyez pas. Il y a un peu des. Alors, salut, je reçois Kian Kojandi, Pulsion. On est dans les années 80. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Attends, c'est quoi? T'es dans ton baladeur? Je t'écoute. Oh, attends. Et ce qui est ouf avec ce spectacle, c'est que des fois, je touche vraiment l'instant avec les gens. Il y a beaucoup de rire, il y a des moments assez forts. Je me sens plutôt libre, je me sens mieux, en fait, d'assouvir cette pulsion de rire avec les gens. C'est une vraie rencontre avec le public. Ah ben voilà, c'est terminé. Ken Kojandiko, ouais. Vous allez pouvoir applaudir le 15 novembre à Uccle à 20h. Si vous voulez réserver vos places, 02 374 64 84, ça c'est pour Bruxelles, ou sur le site www.odelife.be. Kian Jackson, c'était chaud quand même. Ouais, qu'est-ce qu'on peut dire sur Michael Jackson? Non, mais c'est. Vous dansez comme lui sur scène, par exemple, et que vous faites une entrée en moonwalk. Ce que vous faites également, c'est systématiquement diffuser ce morceau. Et là, le public entre en transe. Ouais. C'est le Queen, ouais. Bien sûr. Je sais pas, en fait. J'aime bien établir une playlist. Ça fait des années que j'établis cette playlist d'entrée de public. Quand les gens s'installent, je maîtrise la musique de A à Z. Je fais monter le son à chaque fois de 1 dB. Entre les chansons, parce que ça fait parler les gens plus fort, ça les fait comme en boîte de nuit, en fait, ils sont obligés de se rapprocher, parler, ça les fait sortir un peu de leur coquille, parce qu'ils étaient en ligne 13 juste avant, dans le métro, donc c'est un peu compliqué. Un peu stressé, ouais. Faut les faire sortir de ça, et après on met Don't Stop Me Now, et il y a un truc un peu unanime où les gens, là, à ce moment-là, ils applaudissent, et la lumière s'éteint, et bam, et on part. Et on a envie de faire la fête, et on fera la fête avec vous le 15 novembre à 20h au Centre Culturel d'Uccle. Si vous deviez avoir une pulsion là maintenant dans le studio, ce serait laquelle et à l'encontre de qui? Mais c'est pas forcément à l'encontre, ça peut être une pulsion de, ça peut être une pulsion, pulsion de rire, de voilà. Pour l'instant, je suis bien. Moi, je me sens bien accueilli. J'ai pas de. Il y a pas 36 femmes non plus. Faut lire qui s'en faut. C'est il a vu notre bureau. Faut expliquer ça. Kian, vous avez eu le malheur de nous croiser dans notre bureau. Non mais les gars. Payez-leur des ampoules, c'est chaud quand même. Mais non, mais c'est eux qui travaillent dans le noir. Ça fait deux ans qu'ils veulent travailler dans le noir. Parce que ça leur rappelle, je sais pas, un souvenir d'enfance. La moitié des néons. Le syndrome de Stockholm. Oui. Mais c'est pas vrai, tous les néons sont là, Raoul. Ils se trouvent beaux dans le noir. Non, je vous jure, on nous a volés. C'est la merde. Je promets. C'est vrai. Tiens, vous seriez plutôt du genre à avoir l'angoisse de la page blanche ou de la salle blanche? Alors la salle blanche, ça veut dire quoi? C'est genre je suis dans un hôpital psychiatrique? Non, il y a personne. Du racisme anti-blanc. Ah d'accord. Ah, mais ça je l'ai déjà eu. La page blanche, ça m'arrive, mais c'est. Mais pour un humoriste, j'avais une règle. J'avais une règle à mes débuts, c'était tant qu'ils sont égal ou plus que moi, je joue. Mmh. Voilà, c'est la seule règle que j'applique dans ce métier. Mais c'est la règle au théâtre, je pense. Voilà. S'il y a moins de spectateurs en salle que de comédiens sur scène, on ne joue pas. Voilà. Alors, Léa Salamé vous a reproché sur le plateau de d'On n'est pas couché avec Laurent Ruquier de. Elle m'a fait un reproche carrément. Waouh. Wow. De c'est dur dans l'esprit avec... Canal Plus. Ah bon? Ouais, c'est ce qu'elle vous disait. Oui, c'est un compliment pour nous, mais dans la bouche de Léa Salamé, on ne sait jamais. Ouais. Alors, vous avez eu ce sentiment que vos pulsions sont restées très Canal Plusisées? Mais je sais même pas ce que c'est Canal Plus à part être. Moi, dès que je travaille avec Canal Plus, c'est juste une liberté de ton totale. Donc, je dis ce que je veux, quand je veux, je le mets en scène comme je veux. Je l'ai fait avec Bref, je l'ai fait avec Bloqué, où vraiment on allait dans des endroits où vraiment on a dit des choses. C'était quand même assez hardcore. Et bien là, j'ai une nouvelle série qui vient de sortir qui s'appelle Serge le Mytho. Et on a une liberté totale. Merci, mon pote. Je lui ai encore fait les pieds, tiens. Merci, mais c'est vraiment, on est liberté de ton totale. Donc, si je pense même pas que ce soit un reproche, je pense que c'est plus. À ce moment-là, c'était plus un message à Canal qu'à moi, visiblement. C'était pas moi. Et tiens, cette liberté de ton, on la retrouve dans Pulsion. Ah ouais, complètement. Ouais. Il y a aucune... Vous êtes inspiré de vous-même, c'est-à-dire que c'est vous sur scène. Sans filtre, ouais. Si tu penses que tu m'as dit ouais, un mec cool, un mec louche, bah là j'ai tous mes moments où toutes mes pulsions de violence et de vengeance, je les exprime sur scène. Et c'est parce un vrai qu'il y a moins de gens drôle. Qui les voient. Parce qu'à la télé, ça fait vite plusieurs centaines de milliers de personnes. Là, on va être en dessous de 1000. C'est pour ça. Vous allez enfin montrer l'ordure que vous êtes, c'est ça. Même chercher un café. Non, mais il y avait des pulsions avant dans Bloqué. Je m'appelle pas E. C'était une pulsion de. Je m'appelle pas. La vengeance, le festival des J'aurais dû. Ouais. Tiens, niveau pulsion à choisir, vous seriez schizo, mytho, maso, mégalo ou parano? Parano. Pourquoi? Je pense, je sais pas, j'ai mes parano avec moi-même et mon propre travail, je peux passer des heures à faire mon mixage et à me dire non, c'est le truc. Attends, j'ai oublié un truc. Je peux avoir ce toc de vérification, ouais. Ah ben, on va continuer à parler de ce spectacle le 15 novembre au Centre Culturel d'Uccle à Bruxelles. Sur le site odelife.be, vous pouvez réserver vos places si vous ne l'avez pas encore fait. Et dans la suite, on jouera un jeu, Kian. Ouais. Jouera au 100 pulsions, 100 pulsions. Okay. Il y a 100 pulsions le chiffre et 100 pulsions, aucune pulsion. Avec plaisir. Vous ferez des propositions, ce sera à vous de donner les réponses. Non, absolument pas. Absolument pas. Pulsion, Kian Kojandi, notre invité, c'est le spectacle qui vient nous présenter et vous irez l'applaudir, j'en suis certain, le 15 novembre 2016 à 20h au Centre Culturel d'Uccle à Bruxelles. Restez presque sérieux, Kian, car dans la suite, eh bien, on a cet homme qui est venu vous baiser les pieds, n'ayons pas peur des mots, Corentin Candy, qui va vous proposer quelque chose. De quoi s'agit-il, Corentin? Ah non, moi, c'est un. On verra après, parce que c'est, ça va être un moment de radio. C'est un clash en mais, fait. Mais aussi en vidéo. Ça va être un moment de radio. Je vais le diffuser sur Facebook en même temps, donc vous pouvez regarder Corentin. On peut dire que Vincent a le temps d'aller chercher un café. En mais là, c'est, j'ai peur. J'ai peur. Pulsion. Kian Kojandi, notre invité du jour, restez presque sérieux. On marque une pause et on revient avec lui. À tout de suite. Au début, j'ai écrit « Hey, tu voudrais pas qu'on se voit ?» J'allais appuyer sur « Envoyer », mais je me suis rendu compte que j'avais pas précisé quand. J'ai écrit « Ce soir », mais ça faisait trop mort de faim. J'ai mis « Demain soir », mais je voulais l'avoir ce soir parce que j'étais mort de faim. C'est presque sérieux sur la première. En octobre, ce sont les conditions d'automne chez Ego. Montage gratuit de votre nouvelle cuisine équipée, plus le lave-vaisselle offert. Ego, la cuisine de ma vie. Tiens, hier, Madame Carlier est venue me trouver dans le magasin. Je lui dis, toi Sylvie, tu as besoin d'un bon conseil vin pour ce soir. Elle m'a dit, Pierre, tu sais toujours de quoi j'ai besoin. Et c'est vrai, hein, chez Spar, nous connaissons bien nos clients. Nos entrepreneurs Spar ont toujours de belles offres pour leurs clients. Jusqu'au 2 novembre chez Spar, vous profitez ainsi de 25% de réduction sur 25 vins. Infos et conditions en magasin. Spar Colruyt Group, toujours avantageux. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Investissez maintenant chez Bing. Parce que chez Bing, vous êtes bien informé pour décider seul et en toute confiance de ce que vous faites de votre argent. Bing, parce que c'est votre argent. La première et Charleroi Danse présente Danseur, festival de figures libres. 4 jours d'agitation chorégraphique à Bruxelles avec Pierre Droulers, Olga Desoto, Malika Jardi, David Zambrano et bien d'autres artistes à découvrir. Du 13 au 16 octobre à la Raffinerie. 071 20 56 40 ou charleroi-danseaupluriel.be avec la Fédération Wallonie-Bruxelles et le soir. La nature est un spectacle. Venez le partager au Festival International Nature Namur du 14 au 23 octobre. Les meilleurs films et photos nature du monde, des activités et balades pour tous. Rendez-vous à la Cinépolis et la Citadelle. Programme festivalnaturenamur.be. Avec la Unouf TV, la première, les CNB et les éditions de l'avenir. La première. Mobile Info. 16h46, que se passe-t-il sur nos routes? La réponse tout de suite avec Mademoiselle Aymar. Voilà, quelques ralentissements à vous signaler dans le chantier de Cherat sur le 40 Aix-la-Chapelle Bruxelles. 10 minutes perdues entre Barchon et Herstal en direction de Bruxelles. Une dizaine de minutes supplémentaires également dans l'autre sens entre Herstal et Cherat vers Aix-la-Chapelle. Un accident s'est produit sur le ring de Bruxelles en circulation intérieure dans la zone des travaux de Wautier-Brenne. La bande de gauche est neutralisée. La circulation est ralentie en direction de Grand Bigard. Un peu plus loin, vous perdez 10 minutes entre le carrefour Léonard et Oilart vers Autitre. En circulation extérieure, 15 minutes supplémentaires sur le tronçon Zaventem Grand Bigard. Enfin, vous ralentissez au poste frontière sur le 17 Gand-Lille à partir d'Albé que comptez 20 minutes en plus en direction de la France. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jeter devient TUI. Discover your smile. Un problème sur la route? Signalez-le au call center RTBF Mobile Info via le numéro gratuit 0848 400. C'est presque sérieux sur la première. Des angoisses, des fantasmes, des doutes, et il va vous proposer de rire avec lui le 15 novembre à 20h au Centre culturel du Club Bruxelles. Pulsion, c'est le titre du spectacle de Kian Kojandi. Alors, c'est quoi la différence entre se dire je fais de la télé, je produis des séries et se retrouver comme ça, on peut le dire, quasi nu sur scène face à un public qui est là pour rire. De recevoir le rire en direct. C'est génial, je reviens à la base. D'ailleurs, même quand on diffusait Bref au Grand Journal, on allait dans le Grand Journal, on écoutait les rires du public. On disait, t'as vu, ils ont rigolé. Avec mon pote, on dit, t'as vu, ils ont rigolé à cette blague, ils ont rigolé à ces trois trucs de fou. Et puis, on écoutait le replay, on disait, putain, c'est trop bien, ils ont rigolé à cette blague. Quand on a diffusé au Grand Rex aussi, la grande soirée Bref, on écoutait les rires. Moi, je regardais même pas la série, j'écoutais les rires, j'adore ça. Et à choisir la scène ou la télévision? Bah, je choisis pas, pourquoi non? Pourquoi? Donc vous êtes un génie sur ma vie comme ça, vous dites tu choisis maintenant. Ouais. Non, mais c'est pas ça, c'est que j'ai de la chance de pouvoir alterner entre la scène et dès que je me sens un peu j'ai de la chance d'écrire la journée, de jouer le soir, de réaliser, de switcher pas mal, enfin de changer. Est-ce que vous préférez finalement, c'est quoi? C'est la scène ou Je garde de la fraîcheur pour tout. De la fraîcheur pour tout, donc pour l'instant j'ai pas de préférence. Vous posez la même question d'une autre manière, là, on est d'accord. Ouais, mais j'essaie d'avoir de dire vers quoi il se dirige plus. J'aime bien la réal et l'écriture, c'est quelque chose qui me fascine vraiment. Sinon les planches ou bien devant la caméra. Mais ce qui est bien, ça donne une énergie de ouf, de jouer un spectacle que t'aimes vraiment, que t'assumes, et c'est vraiment agréable. Bon, Laurent, je vais vous proposer quelque chose de nouveau dans cette émission. On va assister à une chronique signée Corentin Candy. Alors, on a Kian Kojandi avec nous ce soir. Il est venu vous embrasser les pieds. Il m'a dit je suis désolé, il m'embrasse les pieds et j'attends. Alors, vous allez proposer Corentin, dites-nous. Un petit clash, parce qu'on n'a pas beaucoup d'audience, on n'a pas beaucoup de gens, il faut le savoir. Donc voilà. Alors oui... Tu veux que je mette une mixtape? Oui, Kian, je suis un peu le Stéphane Guillon belge. Je vous en prie. Mais avec beaucoup, beaucoup moins de talent. Et donc pour compenser, je suis obligé d'être beaucoup, beaucoup plus méchant. Pardon de vous dire ça, Kian, on se connaît pas. C'est pas gai à entendre pour vous, je sais. Alors attention, je vais me payer Kian Kojandi. À 35 ans, j'ai jamais fait le buzz de toute ma vie. Mais là, j'en peux plus. Retenez-moi, ça va gicler. Kian Kojandi, écoutez-moi bien, parce que je vais vous dire exactement ce que je pense de vous. Je vous en prie. Alors voilà, pour moi, la place de Kian Kojandi est parmi les plus sublimes dans cette élite des génies absolus qui, de temps en temps, couronne la civilisation et éclaire de son rayonnement immense le genre humain. Et voilà, prends ça. Bref, bloqué, Serge le mytho, pardon, mais c'est du génie. Je vous demande pardon d'être désolé d'avoir à vous dire ça en face. Vous m'avez tellement diverti depuis le 29 août 1982 que j'ai à votre égard comme une dette d'honneur impossible à rembourser. Le clash ici. On entendrait voler une mouche dans le studio. Oh là là, Kian Kojandi se lève, il hésite à partir, il appelle sa maman. Non, Kian, je suis désolé de vous faire ça en direct et tout, mais pour moi, vous n'êtes qu'un putain de génie. Alors je suis tout rouge, je suis très impressionné, je transpire. Je me présente un peu à vous comme Kevin Adams devant Woody Allen. Imaginez-vous un peu, en récupérant dans la corbeille la moitié de vos plus mauvaises blagues, celles que vous jetez à la poubelle d'un air dégoûté, en Belgique, moi je deviendrai le nouveau Louis C.K. En plus, on est de la même famille. Quand j'en dis, vous gardez le K, vous enlevez le hoge qui sert à rien, vous conservez toute la fin, Andy. Et vous avez Candy. Quand j'en dis Candy, trois lettres en moins, on est frères de les brothers. Alors, il faut savoir que j'adore Woody Allen, mais il faut le dire honnêtement, on peut être le plus grand fan de Woody Allen vivant, et parfois se surprendre un peu à s'ennuyer quelques instants, comme devant un téléfilm coproduit par TV5. Alors que devant un épisode de Bref, jamais. Si Woody Allen avait eu un aussi bon monteur que vous, il aurait enlevé 82 minutes de tous ses films, qui auraient tous fait entre 1 et 3 minutes. Alors bon, maintenant les sujets qui fâchent, hein, le vrai clash. C'est normal, on y arrive tous. Votre mère est picarde, alors votre père a pu remonter jusqu'à Reims alors qu'il aurait dû être arrêté à Poitiers. Vous êtes la preuve vivante et toute chaude que ces mélanges de sang donnent les enfants plus intelligents et plus forts. Et c'est là qu'on se rend compte que dans ma famille à moi, monsieur, on s'arrange à faire des enfants presque normaux, mais sans devoir se faire aider par des étrangers. Votre mère, désolé de vous l'apprendre, est picarde mélomane. J'ai lu ça sur votre page Wikipédia. Ouais. Picarde mélomane. Vous exprimez donc à moitié en farsi ou en persan et à moitié en picard. Je pense donc que l'on peut dire que vous parlez une sorte de luxembourgeois. Vous avez également fait du stand-up à New York. Faire du stand-up à New York, c'est un peu comme faire du cheval en Camargue. Alors, à New York, ils ont Louis C.K., ils ont Bill Burr, ils ont Kian Kojandi. Alors, depuis un an, vous continuez de manière un peu lassante à faire preuve de génie avec la série Bloquée, coécrite avec Bruno Muccio, le frère de Bruno Gachio. C'est son frère, hein? Ils ont même Bruno, l'auteur des Guignols de Canal. Alors Bloqué, c'est une série qui met en scène deux glandeurs professionnels qui parfois se lèvent de leur canapé, mais vraiment s'ils doivent vraiment aller à la toilette. Alors j'aimais bien Bloqué. J'ai arrêté après l'épisode 4 parce que pour un wallon, regardez ces deux mecs hyper énergiques, c'est vraiment épuisant. Quand je les regarde de mon lit, j'ai l'impression de voir deux traders sous acide. Green, j'aurais le sang. Pour nous wallons, c'est Jérôme Kerviel et Claude François. Alors voilà, j'avais encore trois pages, mais c'était la partie que j'ai enlevée. Eh ben c'était trash. Ah bah, c'est il vous a fait un hommage là. Je suis un peu remué. Je trouve que c'était. Voilà. J'aimerais avoir un droit de réponse, mais malheureusement, je ne sais pas. Si, en personne, en personne. Vous êtes levé. Ma khalid, c'est dans la main. Ça veut dire je t'aime beaucoup, mon ami. Je t'aime beaucoup. Ça veut dire va me chercher un café aussi. Kian Kojandi dans Pulsion, un spectacle donc là à voir le 15 novembre à 20h au Centre culturel Duc à Bruxelles. Vous avez joué dans des petites salles, vous l'avez rodé ce spectacle, notamment en Belgique. Hein. Oui, je l'ai vu en rodage au King's Comedy Club. C'était effectivement, c'est extrêmement bien construit, c'est extrêmement bien écrit aussi. Je ne sais pas si vous avez vu le dessin animé Vice Versa. Oui. Vous voyez, avec les petits personnages dans la tête, eh ben, ça m'a un petit peu fait penser à ça aussi, parce que voilà, on est dans les contradictions. Le les côté trash et violent, c'est ça, dans, c'est ça. Du film de Disney. C'est ça. Ah. Voilà, je vous conseille en tout cas d'aller le voir. Ah ben, on va y aller le 15 novembre à Bruxelles, à 20h au Centre culturel Ducle. Toutes les infos concernant les réservations sont sur le odlive.be. On mettra toutes les infos sur le site de la première et sur la page Facebook de l'émission. Jouons à sans pulsion ou sans pulsion. Je vous propose simplement des phrases. Ouais. À vous de me dire sans pulsion ou sans pulsion. Ok. Alors. Sans pulsion. Le calendrier de Clara Morgan. Sans pulsion. Le chiffre ou... Ah d'accord, pardon. Ouais, ouais. Bah non, le chiffre, ouais, ouais. Sans pulsion. L'élection de Trump. Sans... Ouais, sans pulsion. Mais... Ouais. Zéro, quoi. Ouais. La situation à Alep. Bah ça, c'est dur, ça. C'est révoltant. C'est... Enfin, c'est une souffrance totale, donc je sais même pas quoi vous répondre. Le retour de Sarkozy. Bah lui est à sans pulsion. Sans pulsion. Ouais. Gagner à l'euro million. Ça dépend. Si c'est 168 millions d'euros. Un belge en plus. Ouais. Bah, j'essaie de pas trop le dire depuis ce matin et personne n'a grillé encore qui j'étais. Le braquage de Kim Kardashian, sans pulsion ou sans pulsion? Bah c'est révoltant quand même, sans pulsion. Ouais. Ouais. Ouais. Une pharmacie new-yorkaise qui a décidé de faire payer davantage les hommes que les femmes afin d'équilibrer les inégalités. Sans pulsion ou sans pulsion? Redites-moi, pardon, j'ai pas entendu. Une pharmacie à New York qui a décidé de faire payer davantage les hommes que les femmes afin d'équilibrer les inégalités. Mais j'arrive pas à voir l'utilité de ma réponse derrière ça. Sans pulsion. Sans pulsion, il y en a 100, ouais, c'est génial. Ouais, il y en a 100. Génial, sans pulsion. Le TTIP. Ouais. Alors attendez, c'est quoi ça? C'est le traitement, c'est ouais, le traité de l'Atlantique. Ouais. Non plus, on ne sait pas. Bah, franchement, j'ai pas trop compris le délire. Vraiment. Bah, je pense qu'il y a beaucoup qui n'ont pas compris le délire. Hein. Même ceux qui ont écrit les textes n'ont pas compris. Voilà, sans pulsion. Les affiches anti-migrants placardées par la mairie de Béziers. Centaines de milliers de pulsions, de c'est pas bien. Et enfin, Bolloré. Sans pulsion ou sans pulsion? que je te dise, moi c'est cool. C'est lui hein. Qui produit son spectacle. Non mais c'est mon spectacle. Moi j'ai une liberté temps totale à Canal. Ouais. Je suis bien dans la fiction. Je travaille avec Ariel Saraco. Ouais. Et Ariel Saraco, je peux dire que c'est un exemple de pulsion d'amour que j'ai pour elle. Ah bah voilà. Incroyable. De la pulsion, il y en aura. De l'amour, des angoisses, des fantasmes. Qu'est-ce qui vous fait peur dans la vie, Kian? Les crocodiles. Bonne réponse. Ah oui, on y pense pas toujours. Non, je sais pas. J'ai plus peur de moi-même. Je suis plus les. C'est moi qui crée les montagnes en fait. Vous généralement. Êtes votre ennemi, comme dirait. J'ai l'impression. Ouais, puis je suis quand même un bon coloc aussi dans ma tête. Ça, ouais, ouais. Non, je suis les deux en même temps. Donc j'ai peur d'avoir peur des fois. Allez l'applaudir le 15 novembre à 20h au Centre culturel Ducle à Bruxelles. 02 374 64 84 pour les réservations sur le odlive.be. Toutes les infos, on les mettra sur le site de la première.be ou sur le Facebook de l'émission. Kian Kojandi, merci. Merci à vous. Merci d'avoir joué le jeu presque sérieusement. Et nous, dans la suite, on s'informe à 17h. Et puis on reviendra avec cette actualité que nous allons décortiquer pour vous presque sérieusement sur la première. Ne changez rien à vos habitudes. Il y a du monde autour de la table. Vous avez une voix super hein, quand même. On vous l'a déjà dit ou pas? Moi? Moi, vous avez une voix incroyable. C'est la plus belle voix de Belgique. Ouais. C'est vrai que c'est. Ouais, de loin alors. Dis la voix de Bref. Je peux faire Bref aussi. Dites, bref, c'est la journée du compliment sérieux. Aujourd'hui. Ouais. Non, c'est super. Les nouvelles tendances maquillage sont déjà chez Dee. Des coloris sublimes, des collections exclusives. En ce moment, jusqu'à moins 50%. Dee, faites-vous plaisir. Il y a longtemps, je me trouvais dans un GSM. Et moi dans une foreuse. Et on nous a abandonnés au garage. C'est nul. Rapportez plutôt vos piles usagées dans un point de collecte Bebat, car Bebat leur donne une nouvelle vie. Même une seule pile fait la différence. C'est ce que nous appelons l'effet papillon chez Bebat. Bebat. Recycler ensemble, c'est mieux pour la nature. Ce message s'adresse à vous, qui venez de percevoir votre assurance groupe ou de remettre votre entreprise. Pour vous, les conseillers CBC proposent des solutions d'investissement pour faire fructifier cet argent. Ils se montrent proactifs et ils sont à votre écoute à tout moment, plus que jamais dans ce contexte aussi changeant. Investir ? Parlons-en. Rendez-vous sur cbc.be/décider d'investir ou passez nous voir. CBC Banque et Assurance. Décidez d'avancer. Cuisine Ixina. Qu'est-ce qu'écoute un conseiller Ixina? De la musique qui fait rêver? Non, il vous écoute parler de votre rêve et de votre budget. Cet automne, Ixina vous propose des cuisines 5 étoiles et leur promo 5 étoiles. Ne les manquez pas. Conditions sur Ixina.be, c'est bien pensé. Imaginez-vous vivre dans une maison Étienne Piron. Laissez-vous guider et découvrez notre savoir-faire unique. Le week-end des 15 et 16 octobre, de 11 à 18 heures, vieux chemin de Grupon à Bure. Étienne Piron, symbole de qualité. La première présente... Attends, qu'est-ce que tu fais là? Tu jettes les feuilles des carottes? Non mais ça va pas. C'est parce que je pensais... Allez hop, passe-les-moi. Je vais en faire une soupe de dingue. Tu vas envie voir. De plus de good food au quotidien? Rendez-vous les 22 et 23 octobre pour une foule de découvertes gourmandes sur www.goodfood.brussels. Bruxelles Environnement. La première... Météo. Bonne fin de journée à tous, retour à un temps calme pour ce soir et cette nuit. Heureusement qu'il y aura encore un petit peu de vent, modéré de secteur est, pour empêcher la formation de brume et de bancs de brouillard. Les minima resteront quand même frais, de l'ordre de 2 à 4 ou 5 degrés. Demain, des éclaircies en matinée, un ciel un petit peu plus chargé l'après-midi, mais un temps sec. 8 à 13 degrés, par contre, le vent se renforce encore légèrement, secteur est à nord-est. Vendredi, des éclaircies, puis le ciel se couvre. On attend de fines pluies dans la nuit de vendredi à samedi. Samedi, ces pluies vont s'évacuer, on reviendra un temps sec. Il fera nettement plus doux, le vent va passer au sud, il sera faible. On attend 15 à 18 degrés en moyenne pour le week-end. Attendez-moi. Oh, il est mou celui-là. Mais arrête d'être piquant, toi. C'est une crème. T'es gentil. Plus de 500 fromages de chez nous, à chacun son caractère. Une initiative de l'APACW. La première. 17h. Votre journal, Diane Burgel-Vernet. Bonsoir Diane. Bonsoir. Le Premier ministre sera à la Chambre demain. Charles Michel aura certainement à répondre aux questions des députés sur l'état d'avancement des négociations pour parvenir à un accord sur les budgets et les réformes à venir. Un tweet a tout déclenché lorsque l'auteur Kelly Oxford a invité près de 750 000 abonnés sur Twitter à partager leur expérience d'agression sexuelle. Elle a ouvert les vannes d'un torrent de témoignages sur un sujet explosif aux États-Unis. Un débat relancé après un énième dérapage de Donald Trump. Un point sur vos conditions de circulation. On retrouve Amandine Aymar. Ralentissement dans le chantier de Chorat sur le 40 Aix-la-Chapelle-Bruxelles dans les deux directions. Vous êtes ralenti aussi sur le ring de Bruxelles en circulation extérieure. 15 minutes en plus entre Zaventem et Grand Bigard. Et puis vous perdez 20 minutes sur le 17 Gand-Lille en direction de la France. Charles Michel s'efforce toujours de trouver un compromis autour du budget et des réformes à mettre sur pied. Les négociations gouvernementales ont été suspendues hier soir. Aucune réunion plénière n'est actuellement programmée. Le Premier ministre consulte des réunions bilatérales, parti par parti. Alors le budget 2016-2017 est bouclé. Oui, mais à condition que les partenaires s'accordent aussi sur les projets de réforme, impôts des sociétés, temps de travail, loi sur la compétitivité et les salaires et la taxe sur les plus-values défendue encore et toujours par le CDNV. Côté agenda, on a donc appris que le Premier ministre reviendra demain après-midi à la Chambre pour y répondre à des questions et des interpellations et que les commissions parlementaires prévues vendredi ont été annulées, histoire de libérer l'agenda en cas d'accord et de déclaration que le gouvernement viendrait finalement faire au Parlement. Les syndicats d'INGE ne sont pas satisfaits. Ils estiment n'avoir pas encore reçu assez de réponses à leurs questions. Lundi, la procédure Renault de licenciement collectif a commencé. C'était la première réunion de la première phase, la phase d'information. Rien ou à peu près n'a été dévoilé sur l'avenir du personnel. Les syndicats en fonds communs ont déposé un préavis de grève à titre préventif pour couvrir d'éventuelles actions à venir. La semaine dernière, le groupe ING a annoncé la suppression de 3158 postes à l'horizon 2021. Le parquet de Halle a confirmé que le dossier d'instruction de la catastrophe de Beusingen était bouclé. Cela fait déjà 6 ans et demi que cette catastrophe ferroviaire a fait 19 morts et 162 blessés. Impossible, cela dit, de déjà fixer une date pour le procès. C'est la Chambre du Conseil qui décidera qui va être renvoyé devant le tribunal. Et entre-temps, il peut y avoir encore des demandes de complément d'enquête. Geneviève Isaac a perdu son fils et son ex-mari dans la catastrophe. Elle n'est pas non plus convaincue que ce procès aura lieu dans les prochains mois. Même si fondamentalement je l'espère, je n'y crois pas. Depuis que le dossier a été clôturé une première fois, Infrabel et les SNCB n'ont fait que jouer au ping-pong en demandant des devoirs d'enquête complémentaires. La date de prescription n'est plus du tout une difficulté puisque quelque part il n'y en a plus dans ce type de dossier. Je me souviens encore d'une rencontre avec le procureur général qui nous dit « Mais dans les 5 ans, vous aurez votre procès, ne vous inquiétez pas. On est 6 ans et bientôt 9 mois plus tard, et il n'y a toujours rien. » C'est une éternité. C'est véritablement une souffrance que l'on traîne depuis autant de temps. De toute façon, moi, je ne crois plus du tout dans la vérité judiciaire qui sortira de ce procès. La seule chose, c'est que je veux en sortir. Geneviève Isaac au micro de Stéphanie Van Dreck. Des voyageurs, des navetteurs participent à la vie de la SNCB. Pas les grandes décisions stratégiques, mais une participation à des services à l'étude ou existants, comme la commande de billets en ligne. C'est ce que propose la SNCB à des clients dans des séances test, comme celle de ce matin, Dominique Delalle. Un test rapide sur une tablette. Laura Vaillant est une habituée des chemins de fer. Ici, elle découvre l'application de la SNCB. Très intuitive, je n'ai pas eu besoin de beaucoup réfléchir pour acheter le billet qui me convenait. L'expérience du jour porte sur plusieurs points. Est-ce que la personne va vite reconnaître la gare qu'il lui faut? Est-ce qu'elle va vite reconnaître les horaires? Mathieu Bernimont est l'un des chercheurs représentant la SNCB. Est-ce qu'elle va vite trouver le bouton acheter les tickets, etc. Donc toutes ces informations-là, et est-ce que son regard ne va pas être pollué par un ensemble d'autres informations visuelles qui ne seraient pas pertinentes à ce moment-là? Les bénévoles et les chercheurs échangent alors des commentaires. En fonction du résultat de ces tests, la SNCB peut améliorer ses services. D'autres essais seront menés, notamment sur l'utilisation d'un automate de vente ou le développement de nouveaux produits et services. La SNCB a créé un panel de 4000 clients, des volontaires qui seront régulièrement appelés par petits groupes dans ce centre de tests et de satisfaction. Dominique Delalle avec Clémence Date. Le gouvernement turc a révoqué des centaines de gradés turcs attachés à l'OTAN en Europe, mais aussi aux États-Unis. Il s'agit toujours des purges qui se déroulent après le coup d'État manqué du 15 juillet. Le 27 septembre dernier, 149 militaires turcs, dont certains basés en Belgique, ont reçu l'ordre de rentrer au pays dans les trois jours. La majorité d'entre eux ont été arrêtés et jetés en prison dès leur arrivée. Donald Trump, le candidat républicain à la Maison-Blanche, fait l'objet d'un énième scandale après la diffusion d'un enregistrement daté de 2005. Il y tient des propos humiliants et salaces vis-à-vis des femmes, unanimement dénoncés par son propre parti et par l'opposition démocrate. Ces propos ont aussi heurté des millions de femmes américaines et à travers le monde. Des femmes qui n'ont pas l'intention de se taire. Un tweet, 1 million de témoignages et le débat, Françoise Nice, sur les violences sexuelles repart. Tout est parti de cette vidéo enregistrée à l'insu de Donald Trump en 2005 et ressortie vendredi par le Washington Post. Quand t'es une star, tu peux tout faire. Tu l'attrapes par la chatte. Tu peux tout faire. Kelly Oxford, une blogueuse de Los Angeles, a réagi au quart de tour. Elle lance aussitôt le hashtag NotOK avec son propre témoignage. Dans le bus, un vieil homme qui l'a attrapé par le sexe, elle avait 12 ans. Et plus d'un million de commentaires et de tweets ont suivi, dénonçant des violences sexuelles souvent banalisées ou passées sous silence. Une personne sur cinq aux États-Unis serait concernée directement ou indirectement. L'important, c'est de briser le silence. Plus on en parle, moins cela sera acceptable, soulignent les militantes américaines. Quant à savoir si cela éloignera encore un peu plus l'électorat féminin du candidat républicain, on verra le 8 novembre. Donald Trump, lui, a présenté ses excuses, mais il reste sous la menace, car d'autres bouts de vidéos du même tonneau, et même pire, il y en a encore. C'est plus que jamais la crise des vocations dans le monde de l'arbitrage. C'est le cas dans la plupart des sports collectifs, mais surtout en division provinciale de football. Hormis le Hainaut qui limite la casse, les autres provinces sont confrontées à une inquiétante pénurie d'arbitres, surtout pour les rencontres de P3, P4 et les matchs de jeunes. Les candidats ne se bousculent plus aux formations proposées. Il faut dire que la violence verbale ou physique, d'ailleurs, à l'encontre des hommes au sifflet, en est évidemment la cause principale, de quoi décourager bien des passionnés. Marcel Hardy est le président du bureau régional d'arbitrage pour la province de Liège. Auparavant, les anciens joueurs venaient à l'arbitrage. Maintenant, il y en a de moins en moins, mais je peux les comprendre très honnêtement, parce que lorsqu'ils se rendent compte de la difficulté de prendre le sifflet, ils préfèrent passer à un autre sport. Un arbitre qui va aller siffler, par exemple, en première provinciale le week-end prochain, il gagne combien ? Il perçoit 29 euros plus ses frais de déplacement. C'est quand même pas beaucoup d'argent entre nous, 29 euros pour se faire injurier. Je ne vous le fais pas dire, maintenant, il faut savoir que ces gens-là, ces sportifs, le font avec passion, mais il y a quelque chose d'alarmant. Plus de 50% des arbitres de la province de Liège ont plus de 50 ans. Ce qui veut dire que la moyenne d'âge augmente d'année en année, donc inévitablement, il y a des gens qui mettent fin à leurs activités en fin de saison. Une interview de Thierry Luther. Très belle fin de journée à notre écoute. Toute l'info est sur rtbf.be. En octobre, ce sont les conditions d'automne chez Ego. Montage gratuit de votre nouveau placard ou dressing sur mesure. À découvrir sur ego.be. 17h et presque 9 minutes sur la première. On a le plaisir de retrouver Walid et toute sa bande. Effectivement, retour dans l'information tout à l'heure à 17h30 avec Arnaud Roysen pour Soir Première. D'ici là, nous sommes presque sérieux. La première. 16h-17h30, c'est presque sérieux avec Walid. Nous sommes presque sérieux sur la première tous les jours de la semaine durant une heure et demie. On relate l'actualité du jour. 90 minutes, on prend du plaisir, on s'amuse, on rit. Parfois on a peur, mais on s'amuse quand même. Et tout se passe bien, l'équipe est bel et bien présente pour vous accompagner dans cette dernière ligne droite en ce mercredi 12 octobre. L'actualité qui est riche et l'enrichissent à leur manière. Il y a Pierre Charette autour de la table. Bonjour. Bonjour Walid. Corentin Cordet est avec nous. Walid. Il y a Cindy Izarelli. Mais coucou. Vous parlerez de quoi dans un instant, Cindy? De la crisounette. Gouvernement. Une petite crisounette. Ah oui, au programme donc de cette demi-heure également, et des histoires de Vincent Flibustier. Il n'y a pas de crise, monsieur, c'est un beau bébé qui va arriver. Et il y a Raoul Reyers qui est avec nous. On vous a déjà dit que vous aviez une belle voix. Merci, ça me fait plaisir. D'ailleurs, je vais prendre cette belle voix pour vous inviter et repartir avec des places pour le spectacle d'Alex Vizorek. Oh. Une œuvre d'art. Alex Vizorek est une œuvre d'art ce samedi 15 octobre à 20h15 au Centre culturel de Braine-l'Alleud. Spectacle qui est complet, donc toutes les dernières places sont ici. Maintenant, c'est le moment, c'est l'instant. Vous envoyez le code Alex, A-L-E-X, on ne sait jamais, par SMS au 6031, 75 centimes le message, nom, prénom et adresse. Et les gagnants seront prévenus personnellement si vous voulez applaudir l'excellent Alex Vizorek. Eh bien, c'est un conseiller. Jamais. C'est l'instant. Vous envoyez simplement Alex, donc par SMS au 6031 pour aller l'applaudir et applaudir cette belle pièce. Alex Vizorek est une œuvre d'art. Nous sommes presque sérieux. Vous aussi, c'est parti. C'est presque sérieux. Sur la première. Alors, Vincent Flibustier, aujourd'hui, on recevait Kian Kojandi. Il vous nous proposait deux histoires de vitesse. Oui. Allez-y, vite Vincent. Ok. Oui, voilà, je vais décider de vous parler de vitesse. J'ai un son, s'il arrive. Ouais, Vincent, on l'a peut-être pas. Oh ouais, parce que j'aime bien. Juste pour le plaisir. Chouette. Du rap rapide. Et oui, parce que l'homme, à travers les âges, a toujours voulu aller plus vite. Cheval, diligence, train, avion, Concorde. Puis il a arrêté le Concorde, ralenti les trains et voyagé en poney. Enfin, un truc comme ça. Et vous le savez, au début, le lobby des diligences ne voulait pas du chemin de fer qui allait voler leur travail, saloperie de machine et l'emploi dans tout ça. Marabout, bout de ficelle, Caterpillar, ING. Et du coup, la Diligence Association, tout au début du chemin de fer américain, avait sorti des études scientifiques selon lesquelles on ne pouvait pas aller à une telle vitesse. Le corps humain ne pourrait jamais supporter une vitesse au-delà de 70 km/h. Et pour appuyer leur dire, en 1853, la première vraie gare est inaugurée à Richmond et un train démarre vers Indianapolis avec notamment 30 passagers payés par la Diligence Association. 30 passagers très âgés, on raconte qu'il y aurait eu parmi eux plusieurs centenaires. Trois d'entre eux mourront d'un malaise cardiaque pendant le trajet. Et à cause de cette petite magouille, une commission a été mise en place par le Congrès pendant 6 mois pour analyser si le train était vraiment dangereux ou pas. Et ça a retardé d'une demi-année le développement du rail américain pour rien du tout. Eh ben dis donc, histoire à laquelle on a envie de croire. Ripley vieux. Diligence, une première histoire de Vincent Flibustier. Petit ange. Deuxième histoire, Vincent, vous écoute. Vous avez sûrement déjà entendu qu'on avalait en moyenne 8 araignées par an pendant notre sommeil. Oui. Eh ben c'est faux, et ça vous en doutez sûrement, parce que bon, globalement, ça peut arriver d'en avaler peut-être, mais de base, les araignées n'ont pas vraiment d'attirance pour les endroits humides, odorants et chauds comme votre bouche. Malodorant. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, cette information que tout le monde a déjà entendue, elle a en fait été inventée en 93 par une journaliste qui cherchait à étudier la vitesse à laquelle de fausses informations se transmettaient par email. Et on est en 93, c'est-à-dire au tout début d'Internet, et du coup, il y a en fait, aujourd'hui encore, 23 ans plus tard, des chaînes d'email qui datent de 1993 et qui continuent à circuler, comme celle qui raconte qu'on avale chaque année 8 araignées. Ou alors cette histoire que je viens de vous raconter n'a que pour but d'étudier la vitesse à laquelle une fausse information se transmet. Donc, allez savoir. Soit dans l'abîme. Cette histoire de cette femme, précurseur de fausses infos, ou l'histoire de Diligence. Première ou seconde histoire, tour de table, Pierre Charette. La Diligence. Corentin Candy. La seconde. Cindy Izarelli. La Diligence. Raoul Reyes. Moi, je prends la Diligence parce qu'il a parlé du Concorde et j'ai eu cette chance de voler en Concorde. C'est pas vrai. Mais en mode supersonique et tout. Pas en supersonique, mais quand même, quand il montait, c'était impressionnant. C'est vrai. Ah Oh là là, on a... je peux vous toucher. Mais il faut être vieux pour ça, parce que ça fait longtemps qu'ils ne volent plus déjà. Ah, vous m'étonnez. Bon, allez, roulement de tambour pour découvrir l'histoire vraie de ce 12 octobre. Diligence ou ces précurseurs de fausses infos, Vincent? Eh bien, c'est bien cette journaliste qui est en 93, donc vraiment, en fait, c'est vraiment le tout début de l'email. C'est directement dit qu'il y allait avoir beaucoup de fausses informations. Il y avait déjà beaucoup de fausses informations qui circulaient, alors qu'il n'y avait même pas encore vraiment de page internet. Et aujourd'hui encore, il y a encore certains de ces emails balancés à 23 ans qui continuent à circuler en chaîne. Elle avait en fait envoyé une dizaine d'emails avec différents petits trucs, le saviez-vous, qui étaient complètement faux. Et encore aujourd'hui, comme ce truc d'araignée, bah, ça vient d'elle, comme quoi les légendes urbaines avec le temps continuent à évoluer, ah bah, à bouger différemment. Ouais. Et comme quoi elle avait raison, ça marche. Elle a vu dans le futur, oui. On ne dira pas qu'on est tous les jours sur le saviez-vous. Et on partage de fausses informations avec vous. En attendant, et avant d'accueillir Étienne, notre presque star du jour, voici votre agence de presque. Attention, tout ce que vous allez entendre est complètement faux, mais avec de vrais extraits de JT. C'est parti. La première, avec Walid. Bonjour. Donald Trump est aujourd'hui réfugié dans le quartier de la Gare du Nord à Bruxelles. L'ex-député est accusé, je vous le rappelle, des attentats du 11 septembre. Et hier, l'ancien compagnon et amant du Belge, Chris Peters, devait comparaître devant la chambre des frères d'Ardennes. Les premières leçons de mensonge, autrement dit, le cours d'éducation à la philosophie et à la citoyenneté, seront donnés aujourd'hui par la Russie dans les écoles primaires du gouvernement Michel. Le premier ministre hongrois, Elodie Rupo, est mort dans sa cellule de la prison de Saint-Gilles à Bruxelles. La justice le soupçonnait d'avoir réduit en esclavage des manifestants à Bruxelles et en Wallonie. L'histoire a inspiré un film en 2006. Walid, sur la première, c'est presque sérieux. À vous de découvrir ce film. je défie quelqu'un de croire ces infos quand même. Hein. Il y a des gens qui peuvent y croire, hein, comme les araignées dans la bouche. On voilà. Peut tout faire avaler à n'importe qui si vous voulez, monsieur. Bon, accueillons Étienne, notre presque star du jour. Bonjour Étienne. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Alors, pour quelle raison on parle de vous, Étienne? Certainement pas pour la chanson que vient d'entonner Pierre Charette, mais pour une autre raison. Et vous allez avoir, vous, autour de la table, une petite minute pour tenter de le découvrir à travers des questions que vous allez me poser. Je tenterai de vous mettre sur la voie avec deux indices. C'est parti, faites-vous plaisir. Est-ce que Étienne s'appelle Moujotte? Non, absolument pas. Est-ce qu'Étienne a la Moujotte? Non, mais Étienne s'appelle Bouillon, si vous voulez. Voilà, Étienne Bouillon. Est-ce que Étienne est de Bouillon? Non, il est pas de la culture. Arrière-arrière-petit-fils de Godefroy de Bouillon. L'arrière-arrière-arrière-petit-fils de Godefroy de Bouillon, Vincent Flibustier, non. Enfin, on ne sait pas. Ouais. Est-ce qu'Étienne fait du bouillon? Étienne fait du bouillon? Non, mais attention, voici votre premier indice. Étienne fait des hiboux? Étienne fait des hiboux? Étienne est un hibou. Non. Il élève des hiboux. Il élève des hiboux. Des hiboux. Des hiboux Breitman. H aspiré. Non, c'était pas ça, non. Alors, deuxième. Étienne vit la nuit. Étienne vit la nuit. Alors, on n'est pas très. C'est... Ouais, il est noctambule. Il met des. Il fait comme dans Les Bronzés, il met des hiboux dans des bouteilles. Et on n'est pas très loin de la bouteille. Il empaille des hiboux. On n'est pas très loin de la bouteille. Écoutez le deuxième indice. Mais je sais. Qui c'est, évidemment? Alors, Étienne est le grand monsieur de Belgian Hall. Effectivement. Le meilleur whisky d'Europe. Et oui, élu meilleur whisky d'Europe. Tout a commencé avec ce désir que vous aviez eu, Étienne, maître distillateur, de diversifier donc l'agriculture locale en la valorisant par la création d'un whisky belge. Alors, parlez-nous-en justement de ce whisky belge à consommer, bien entendu, avec modération. Oh, pas tellement. Si, si, quand même. Alors, dites-nous tout. Voilà, toujours avec modération, puisque une des raisons pour lesquelles j'ai choisi le hibou comme emblème, c'est qu'il est à la fois un emblème du savoir et de la sagesse. Ah oui. Du savoir, il en faut pour le faire, et de la sagesse pour le déguster. Donc, ouais. C'est de fait à consommer avec modération. Alors, cet alambic d'Écosse est arrivé à maturité ici en Belgique. Vous le fabriquez ici chez nous? Oui, tout à fait. Donc, nous travaillons avec 6 agriculteurs en commerce équitable et en travail tout à fait local. Donc, les premiers champs sont à quelques dizaines de mètres de la distillerie. Et quand on fait une visite, on la démarre toujours sur le champ qui a vu la culture de l'orge que nous utilisons pour faire ce whisky 4 années après, bien sûr. Alors, cette philosophie, vous le disiez, c'est l'authenticité artisanale du produit. Vous travaillez avec des artisans, des gens qui aiment leur métier. Ça fait quoi d'être élu, en tout cas à travers votre travail, whisky belge, meilleur whisky belge d'Europe? C'est une grande fierté. c'est une fierté à la fois pour le produit et pour tous ceux qui y ont participé. C'est aussi une fierté de savoir et de reconnaître que le terroir de chez nous parvient à faire des choses excellentes et qu'une fois qu'on met la nature dans les meilleures conditions, ben, on n'a que des bonnes choses. Et le but, c'est de devenir le meilleur whisky du monde, non ? Belge du monde. Ouais, mais ça, pas belge du monde. Non, parce qu'on disait meilleur whisky belge d'Europe. Non, meilleur whisky d'Europe, il est. Ouais, d'Europe, effectivement. Ouais. Et ce qui est formidable avec son whisky, parce que j'en ai une bouteille chez moi, c'est que si on le met dans un petit poêlon et qu'on allume le gaz, le whisky, il boue. Voilà. Tout ça pour ça. Ruiné tout le travail. Bravo, Vincent. Il est très, très fier. Bravo, Vincent Flibustier. Je voulais juste dire que moi, j'ai eu la chance d'aller visiter la distillerie, donc de faire la visite complète des champs, etc. Et c'est passionnant. Et Étienne explique vraiment très, très bien. Et donc, je recommande ça à tout le monde. C'est vraiment à faire. Alors, effectivement. Et disons que ce week-end, il y a quand même. Une inauguration, effectivement. Vous allez nous en parler aussi. Une distillerie qui ouvrira ses portes ce week-end. C'est bien ça? En fait, c'est une ouverture de porte, mais qui est réservée à toutes les personnes qui ont préacheté une part de fût. Mmh. Donc, à un moment donné, c'est un projet qui demande un peu d'investissement sous toute forme. Mmh. Et en 2004, quand j'ai démarré l'opération, enfin la création du Belgian Owl, j'ai proposé à quelques personnes de préacheter une bouteille. Et puis les choses se sont bien passées. En 2007, ces bouteilles ont été remises à leurs propriétaires. Et ici, en 2013, on a pu augmenter un tout petit peu la production avec la venue de deux alambics écossais. Donc, c'est un peu du patrimoine de l'Écosse qui est venu chez nous. Mmh. Et j'ai répété l'opération. Donc, j'ai reproposé à toute une série de personnes de nous donner un petit coup de pouce, de préacheter quelques bouteilles et de venir les rechercher. Trois années après. Tout cela à consommer. On tient notre parole et voilà. Tout cela à consommer, bien entendu, avec modération. Étienne, vous étiez notre presque star du jour, le créateur de ce whisky, élu meilleur whisky d'Europe. Et il est belge, s'il vous plaît, Cocorico. On mettra d'ailleurs toutes les informations vous concernant, mon cher Étienne, sur la page Facebook de l'émission et sur le site de la première. C'est la pas première. Le cri du hibou. C'est Cocorico, hein, c'est ouh ouh. Oui, c'est ouh ouh, effectivement. Je n'osais pas la faire. Merci, Étienne. Et dans la suite, on poursuit cette aventure presque sérieuse avec cette petite crisounette. On en parle dans l'actualité aujourd'hui avec Cynthia Isarelli tout de suite. Cake, soufflé, fougasse, maïzena, jamais à court d'idées. C'est presque sérieux sur la première. Les nouvelles tendances maquillage sont déjà chez Dee. Des coloris sublimes, des collections exclusives. En ce moment, jusqu'à moins 50%. Dee, faites-vous plaisir. Il était une fois Baba, Ali Baba. Il habitait une grotte au milieu du désert. Oh, crotte, zut, j'ai encore oublié le code pour sortir du fivre. Eh oui, même dans les contes, l'accès à une boîte aux lettres est parfois compliqué. Vaza, ouvre-toi ! Instagram, ouvre-toi ! Oh, crotte, c'est pas ça. C'est alors que Parthenamut inventa des solutions digitales pour permettre d'envoyer ses demandes de remboursement à l'assurance complémentaire via son smartphone ou son PC. Ah ouais, ça le fait, ça. Rendez-vous vite sur parthenamut.be/connect ou sur votre plateforme d'application préférée pour les télécharger. Parthenamut, on vous simplifie la santé. Profitez-vous aussi du meilleur du gaz. Devenez client. Surfez sur primagaz.be pour un avantage de 200€ et l'installation gratuite de votre citerne. Primagaz, le meilleur du gaz, là où vous le voulez. Découvrons avec Stéphane Bern l'histoire de la bière Bûche. Une bière qui contient les secrets de 8 générations de brasseurs. Mais 1765, l'impératrice Marie-Thérèse décrète le démantèlement de toutes les brasseries seigneuriales pour une ville à faire de privilèges. Joseph Dubuisson, brasseur pour le seigneur, perd son moyen de subsistance. Impératrice ou pas, nous les petits, on brassera. Joseph fait un pied de nez à l'autorité et construit une brasserie à la limite des terres seigneuriales, juste en face de l'ancienne. Oh, une famille d'aussi forte tête ne pouvait faire que de la Bûche. Bûche, on sait d'où vient son caractère. Une bière brassée avec savoir se déguste avec sagesse. Pendant les Audi Days, vous allez être surpris. Surpris par les conditions exceptionnelles sur l'Audi A1. Surpris par son tempérament et son agilité en ville. Et surpris par la technologie unique PJR, qui signifie « Pince-moi, je rêve ». Pendant les Audi Days, profitez des conditions sur toute la gamme jusqu'au 22 octobre. Comme l'Audi A1 Limited Edition à partir de 13 990€ ou 129€ par mois en personal lease. Infos et conditions sur Audi.be et chez votre distributeur Audi. La première. Mobile Info. 17h presque 23, que se passe-t-il sur nos routes? La réponse tout de suite avec Amandine Aymar. Une voiture est sur le toit sur le 25 Bastogne-Liège à Oufalize. Le passage n'est plus possible. La circulation est donc à l'arrêt en direction de Liège. Et puis toujours sur le 25, un camion est sur le flanc dans la descente de Tilf. Voie de gauche neutralisée, il y a des files en direction de Liège. Quelques ralentissements encore dans le chantier de Chorat sur le 40 Aix-la-Chapelle-Bruxelles. 10 minutes perdues entre Barchon et Herstal en direction de Bruxelles. 15 minutes en plus dans l'autre sens entre Votem et Chorat vers Aix-la-Chapelle. Vous ralentissez aussi sur le 42 Mons-Liège. On observe des files entre Dossou et Fernelmont, une dizaine de minutes en plus en direction de Liège. Et enfin, petit coup d'œil sur le ring de Bruxelles. Vous perdez 15 minutes en circulation extérieure entre Zaventem et Grand-Bigard. En circulation intérieure, ajoutez une dizaine de minutes sur le tronçon Zaventem-Carrefour-Léonard. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jetair devient TUI. Discover your smile. Un problème sur la route? Signalez-le au call center RTBF Mobile Info via le numéro gratuit 0848 400. Tiens, hier, Madame Carlier est venue trouver dans le magasin. Je lui dis, toi Sylvie, tu as besoin d'un bon conseil vin pour ce soir. Elle m'a dit, Pierre, tu sais toujours de quoi j'ai besoin. Et c'est vrai, hein, chez Spar, nous connaissons bien nos clients. Nos entrepreneurs Spar ont toujours de belles offres pour leurs clients. Jusqu'au 2 novembre chez Spar, vous profitez ainsi de 25% de réduction sur 25 vins. Infos et conditions en magasin. Spar Colruyt Group, toujours avantageux. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. C'est presque sérieux. Sur la première, 16h-17h30, avec Walid. Je vous rappelle que nous vous proposons des places pour aller applaudir Alex Vizorek du côté du Centre culturel de Braine-l'Alleud. Si vous voulez voir Alex Vizorek dans tous ses états, surtout avec des instruments de musique, Alex Vizorek est une œuvre d'art, et bien rendez-vous ce 15 octobre à 20h15 au Centre culturel de Braine-l'Alleud. Ah, sauf qu'il n'y a pas de place. Ah, on est les seuls à les avoir, les toutes dernières, elles sont chez nous. Envoyez simplement Alex par SMS au 6031, 75 centimes le message. Non, prénom. Envoyez Alex par SMS au 6031. Oh, vous avez une belle voix. Merci. Et vous serez prévenu personnellement. Et en attendant, intéressons-nous à l'actualité vue et corrigée par Cindy Izarelli avec bien cette petite crise ou nette. Oui, on le sait depuis hier, la déclaration de politique générale du gouvernement a dû être reportée faute d'accord sur le budget. Alors, tandis que certains quittent la table avant la fin du repas, le MR tente de rattraper la sauce et nous de répondre à cette question. Est-ce que le torchon de cuisine brûle au sein du gouvernement, Cindy? Oui, et avant tout, je voulais quand même vous dire que je crois sincèrement que pour avancer dans la vie, l'important, c'est de savoir s'entourer. Et s'il y a une voix, personnellement, dont j'écoute les conseils avec une attention extrême et une confiance aveugle, c'est celle de mon GPS. Non, parce que est-ce que vous avez déjà vraiment écouté votre GPS? Ah oui, oui, parce qu'il ne fait pas que vous indiquer la route, hein, il vous parle. Et mon GPS, il m'a sorti hier un conseil fascinant dont il a seul le secret, une perle de sagesse, hein, à mi-chemin entre un mantra bouddhiste et un oracle de Dominique Lehmann. Empruntez la voie de gauche pour rester à droite. Empruntez la voie de gauche pour rester à droite. La phrase a résonné en moi comme une épiphanie parce que de toute évidence, le MR aussi tire son inspiration politique des conseils de Google Maps. Ouais, empruntez la voie de gauche pour rester à droite, c'est exactement ce qu'a fait Christine Defraigne hier en sortant son fouet et son tablier pour nous parler cuisine là où il s'agissait de parler recettes. Non, parce que présenter le Parti des libertés individuelles comme un lion humain, à la limite, c'est drôle. Mais choisir le plus cheap de tous les lions, hein, la maïzena, la farine du pauvre, c'est presque flirter avec le populisme, hein, fallait oser. C'est un peu comme si on découvrait que Paul Magnette portait des costards Armani. Mais soit, admettons, le MR est la maïzena du gouvernement. Et Chris Peters, c'est un grumeau dans le budget. Tout cela ne nous dit pas qu'il tient le manche du fouet dans cette partie de Top Chef d'État. Hein, et quitte à faire... On sait un peu, hein. Bon, ça on peut, on ne le dira pas. Et le Diroupo, il aime bien tenir le fouet. Oui, mais le soir. À noter que la maïzena, c'est de la fécule de pomme de terre, monsieur Patate, tout se tient. Ah, complot. Et quitte à faire des métaphores foireuses, j'aimerais d'ailleurs qu'on s'attarde un instant hein, sur le panaché que Christine Defraigne est parvenue à nous sortir en une seule interview, parce que passer en une seule phrase de la maïzena à la grossesse difficile, ça démontre soit une tendance à l'aérophagie, soit une capacité incroyable d'être à la fois au four et en salle d'op, enfin du moins métaphoriquement parlant, parce que pendant ce temps-là, tout le gouvernement, lui, il était partout et nulle part, et surtout pas à la chambre, où tout le monde attendait impatiemment hein, de découvrir la tronche du petit dernier de Charles Michel. Et tandis que toute la famille s'engueule à huis clos pour une histoire de budget, ou de brioche, ou de bébé, à force on sait plus, hein, merci Christine, les médias écoutent fébrilement aux portes et convoquent moult politologues pâtissiers et autres docteurs en médecine budgétaire pour leur poser la question, le gouvernement est-il vraiment en crise? Et l'adverbe ici a toute son importance, vu qu'il résume à lui seul la totalité de la vision politique belge. Parce qu'il ne s'agit pas de savoir si le gouvernement est en crise, ça on le sait depuis le début, mais s'il est vraiment en crise, ou si c'est une crise ou nette. Tout comme s'il s'agit de savoir, à chaque crise, si Charles Michel va vraiment prendre des mesures, ou si ce sont des mesurettes, ou s'il y a vraiment un risque nucléaire à Tihange, ou si c'est un risque ou n'est. Bref, à ce stade, l'histoire ne dit pas si le CDNV prendra la voie de droite pour rester à gauche, ou si la maïzena fera gonfler ce budget, et si la brioche fédérale sera au goût de tout le monde. Mais moi, personnellement, trop de métaphores politico-culinaires, ça me donne surtout faim de consistance. Ah, on a faim de savoir ce qui va justement arriver demain. La fin justifie-t-elle les moyens? On verra. Réponse demain. Alors, qu'est-ce avec qui va péter le premier, le gouvernement ou Tihange? On ne sait pas, on ne sait pas, c'est la grande question. Les paris sont pris. En tout cas, merci à Pierre Charest, à Corentin Condi, à Cindia Ezarali, à Vincent Flibusti, à Raoul Reyes. Une bien belle fête. Et à vous qui nous avez suivi l'émission, à retrouver bien entendu sur le rtbf.be/Ovio pour la podcaster avec l'invité qui était aujourd'hui presque sérieux, Kian Kojandi, Pulsion, à découvrir le 15 novembre à 20h au Centre Culturel Duc à Bruxelles. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la page Facebook et sur le site de la première pour en savoir un peu plus concernant bien les réservations. Autre spectacle, Alex Visorek est une œuvre d'art, on vous y invite. Et bien, on a les toutes dernières places, envoyez simplement Alex par SMS au 6031 75 centimes le message pour aller l'applaudir le 15 octobre prochain. Demain, Lara Fabian sera avec nous, on parlera et on sera presque sérieux. À demain 16h. C'est encore moi, Hip. Rendez-vous vite dans votre hypermarché Carrefour pour découvrir des offres de génie dans tous les rayons. Profitez par exemple du cœur de cabillaud pour seulement bam, 14€ le kilo. Et cette offre de génie que vous ne trouverez nulle part ailleurs est uniquement valable jusqu'à demain. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Tritop Asset Management présente les pourquoi. Pourquoi votre pension légale ne suffira pas pour votre pension? Simplement parce que le montant de votre pension ne représentera qu'une partie de votre salaire. Ça ne suffira donc pas à maintenir votre niveau de vie. Et ce n'est pas les taux des comptes épargne qui vont y changer quelque chose. Alors faut-il investir en bourse? C'est une solution. À condition de mesurer les risques, de voir à long terme et d'être accompagné par des experts. Pour accéder à l'évolution de la bourse mondiale, follow Jack sur tritopam.com. La première présente Mineurs aujourd'hui dans le monde. 8 août 1956, 262 hommes perdent la vie à Marcinelle. La mine du 21e siècle a-t-elle réellement